moi j'ai une question. La chanson que t'as mis, le Free Your Mind and Your House Will Follow, là, c'est-tu les paroles originales? Genre, c'est Oui. vraiment ça la toune? Ok. Moi, écoute, quand j'ai vu ça dans la série, j'ai fait ah ouais, c'est ça qu'ils disent. Parce que Ben moi, moi non je plus, je comprenais savais Free Your Mind, and then follow. Mais j'avais jamais vu pas. c'était Your Ass Will Ben, je Follow. connaissais pas Exactement. avant aujourd'hui. J'ai checké sur Wikipédia. J'ai fait, OK, ils ont fait l'album au complet sur l'acide. Ils ont voulu faire le. Si vous voulez tester le groupe, s'ils pouvaient faire un album sur l'acide au complet, tu sais. Fait que c'était ça Hey! l'idée, là. Free your mind and your ass will follow. Ils ont Sérieux, fait elle une joue toune tout de le 10 temps à la minutes, qu'est-ce radio, là. qui. Genre, à la radio de resto, elle va jouer tout le temps, tout le Ouais. temps, tout le temps. Fait que le nombre de fois que j'ai entendu ce tune-là, puis j'ai fait. Ah, oh, ouais, moi j'avais entendu Free your mind and the rest will Ouais, ça follow. peut sonner comme OK. ça aussi. Fait que j'étais sûre, là, ass. Là, je dis, en fait, un kit pour ce film-là, pis là, non. OK. Bienvenue tout le monde à cet épisode numéro 66 de l'Horreur Gamer Show. Sébastien Bouchard au micro. Et cette semaine, on a une équipe d'enfer. Ouais, je dirais d'enfer. On a tout d'abord celui qui serait le premier dehors avec sa chainsaw s'il y avait une invasion de Deadites. J'ai nommé Steven Lefrançois. Salut Steven! Assoir Salut Sébastien. Salut Steven. Oh. Et si on avait une invasion de zombies, ça serait sûrement elle, la zombie, parce qu'au nombre d'heures qu'elle met dans une semaine, c'est à peu près de ça qu'elle a l'air. Vicky Oh oui! Langlois. Oh oui! J'en ai découvert une autre série de zombies, c'est un anime japonais, High School of the Dead, fait qu'on va faire un marathon au bistrot, si j'ai hâte. Et finalement, bah lui, c'est pas qu'il aimerait ça une invasion ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il était là quand ils ont écrit le Necronomicon, ou c'est sûr qu'il l'a lu. Jean-François Tremblay. Salut Jeff. Si vieux que ça. Il faut que ce soit toi le vieux, tu sais. T'as pas un vieux. Ah, mais tu sais, oh non, excuse-moi, laisse faire, j'allais dire un spoiler, laisse faire. On en parlera Donc, tantôt. ça part bien? ouais ouais moi, mes cheveux blancs, ils sont juste dans ma barbe, mais toi, t'es ailleurs. ouais je sais ouais, C'est mais pas bon, chou. Et on t'aime quand même, puis t'es j'aurais pas beau. de teinture dans les cheveux comme Bruce Campbell. Non, s'il vous plaît. Excusez, j'ai droit à un bisou. Il s'en Dans le cache front. pas non plus. La joke là dans Evil Dead, ok, je place tout le fait qu'on va parler d'Evil Dead, mais la joke là quand ils disent que sa tête d'oreiller est toujours noire et c'est comme s'il se lavait pas, mais non, c'est qu'il déteint de C'est teinture. sa Ok, teinture, oui. je t'avais un À la petit fin, avec truc sa comme chaîne, ça, il utilise le petit bâton oui de oui couleur pour ses cheveux. Oui, ah c'est ok ok ok Hey, de quoi on ben parle écoute, ce soir? c'est bien pas. Ben, cette semaine, on fait un épisode que ça fait longtemps que Vicky voulait qu'on fasse. Elle voulait qu'on parle de séries télé. Et bon, les séries télé, c'est pas toujours évident, mais il y en a deux, je veux dire importantes, mais en tout cas, il y en a deux d'horreur qui sortaient récemment, donc pourquoi pas en parler. J'ai nommé Ash vs. Evil Dead et Walking Dead saison 6. Excusez-moi, je crois que j'ai accroché le micro. Je vais essayer de ne pas le refaire. Mais donc, c'est ça, on parle de séries télé d'horreur, ces deux-là en particulier, mais j'imagine que ça va peut-être se promener dans d'autres séries, on verra, parce que ça reste qu'il y a des recommandations à la fin de l'épisode. Mais avant de commencer cet épisode, je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Bon, en tout cas, on a beaucoup de choses à vous annoncer, parce que il se passe des choses là, dans Horror Gamer, là. On n'est pas une gang de lazy ass qui font un podcast aux 2 semaines, qui écoutent des films, puis qui se contentent de ça, là. Non, non, non. Ils s'en passent des affaires. Tout d'abord, ben, Ça sonne si vous écoutez croche, l'épisode. Hein? là. D'abord, cette semaine, si vous avez écouté, si vous êtes en train d'écouter l'épisode, vous avez, j'espère, participé, ou en tout cas, j'espère que vous n'avez pas manqué, notre concours pour aller voir la première du film La Légende Blair. Yeah. Et moi, puis Jeff, bon, en tout cas, moi, je suis jaloux parce que Steven et Vicky. Non, Vicky, tu ne peux pas y aller. Non, Audrey, non, je c'est peux pas vrai. monter à Montréal C'est aussi. vrai. Puis, donc, c'est Steven et Audrey qui vont aller le voir. Audrey, si vous vous en rappelez, c'est elle qui est allée voir Green Room avec Vicky, puis qui avait écrit quelques petits critiques pendant Fantasia. Là. Donc, vous êtes des chanceux, mes maudits. Ah, je suis content, moi. Je suis vraiment excité d'aller voir sûr, ça. C'est sûr, en première. C'est plate, par exemple, sa version française. Ben, c'est pas plate. Ah, pour vrai? Ouais. Pas plus grave. Pas plus grave que ça. Mais non, c'est très cool, les films Séville qui nous donnent l'occasion d'aller voir ce film-là avec vous. Donc, deux paires de billets qui auront été tirés lorsque vous écouterez cet épisode-là, malheureusement, pour vous. mais, on est tellement ça coche que... Ouais, là, vous êtes en train d'écouter l'épisode puis vous vous dites, c'est plate, j'aurais aimé ça participer puis aller voir Evil Dead. Pas Evil Dead, pardon. La légende de Blair, le nouveau film d'Alan Wingard, qui, bon, pour ceux qui ne le savent pas, est la suite du film Le Projet Blair. Ben, les deux séries télé dont on vous parle cette semaine... Walking Dead saison 6 et Ash vs Evil Dead première saison, on les fait tirer! Yeah! Yeah! Yeah! Groovy. Grâce à Anchor... Oh oui, c'est très groovy! Grâce à Anchor Bay qui nous ont fait l'honneur de nous envoyer les séries. Donc, je les ai avec moi ici. Ils nous les donnaient pour qu'on en fasse une critique, mais je voyais pas l'intérêt de les écouter puis après ça, de les garder. Donc, on vous les fait tirer. Et qu'il y a des traces de doigts de Sébastien dessus en plus. Oh oh! J'ai peut-être mis du gras sur des CD. On sait jamais. C'est une autographie, Sébastien. Je pourrais les licher. Ouais, c'est encore mieux. L'ADN de Sébastien. Oui, oui, oui. Et là, avec ça vient une autre nouvelle qui est assez incroyable. Merci parce que là, vous vous dites, OK, comment on fait pour participer? Comme à l'habitude... Vous allez sur horrorgamer.ca/concours et ça vous donne un petit questionnaire, nom, adresse courriel. Et il y a une question à répondre. Et cette fois-ci, la réponse à la question. La question à laquelle il faut répondre, c'est combien est-ce que Steven a donné à Green Room sur notre site Internet? Là, vous vous dites, quoi, Steven, combien qu'il a donné à Green Room sur notre site Internet? Oui, ça, c'est l'autre nouvelle qu'on a à vous annoncer. C'est qu'à partir de maintenant, là, vous êtes en train d'écouter l'épisode, allez sur notre site Internet, il y a maintenant un onglet critique, et ça vous mène à des critiques écrites de films et de séries, s'il y aura des séries. On pourra peut-être faire une critique de Stranger Things, exemple. De Ash vs. Evil Dead. De Ash vs. Evil Dead et de Walking Dead. Donc, High School of the Dead. High School of the Dead, quand tu l'auras écouté. Mm-hmm. Et donc, maintenant, on a des critiques écrites sur le site. Donc, tout plein de films dont on aurait voulu vous jaser, mais qu'on ne peut pas vraiment parler dans des épisodes où, par manier, ça n'en finirait plus. Puis ceux qui ont fait des épisodes toujours. Aussi. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, ça va. Puis c'est ça, des fois, c'est des films aussi qui sont difficiles à insérer dans des épisodes où, que finalement, on veut pas en jaser parce qu'on a écouté puis c'était juste mauvais. Ou, comme on fait souvent, on est plus dans les vieilles choses. Donc, des films comme Lights Out ou... là, c'est quoi que tu étais voir dernièrement, Steven? Don't Breathe. Tu as-tu fait une critique de Don't Breathe? Pas encore. OK. Tu nous en prends une. Mais... Là, vous dites, OK. En fait, ça va être donc... Steven et nous parfois. Non, c'est Jeff. C'est Jeff pas mal. Jeff. Là, vous vous dites, ben là, vous faites comme Horreur Web finalement. Non, c'est ça. On voulait pas copier le concept de tous les autres sites de critique où une personne est la déléguée pour faire une critique d'un film. C'est que nous, on s'est dit, dès qu'on a écouté un film ou une série, on va en faire une critique. Mais si jamais. Comme j'ai donné l'exemple de Lights Out. Moi et JF, on l'a vu. On a écrit chacun notre critique, mais là vous dites, ah non, Urk, une longue critique à lire. Non, nos critiques sont courtes. Prenez n'importe quelle critique que vous allez voir sur un site où finalement vous allez lire le dernier chapitre, le dernier paragraphe qui résume toute la critique, puis après ça, la note. Ben nous autres, on vous donne juste ça. On vous donne quelque part entre 100 et 200 mots, nos critiques, à peu près. Ouais. Hey, mon Dieu, puis 200 mots, t'es très, très, très généreux. Là. Moi, je disais même 100 mots, limite. C'est très, très, très généreux. C'est sûr que s'il met des très, très, très, il va se rendre à 200 mots. C'est ça, écoute. Jeff, il est de même. Il multiplie ses épithètes, ouais. Puis ses adverbes. Il fait des accroches-tiches avec les titres. Ah, ça, c'est vraiment. Aimable. Sanguin. Mais donc, c'est ça. Donc, vous irez jeter justement un coup d'œil sur la critique de Lights Out. Vous allez voir que moi et Jeff, on a chacun écrit un résumé de notre critique. Ça dit l'essentiel. Après ça, si vous voulez en savoir plus, vous nous en jaserez en privé. Mais l'essentiel est là. Une cote sur 5. Merci, bonsoir. On trouvait que c'était court, efficace. Puis ça vous donne l'heure juste sur nos opinions. Des fois, on pourra pas vous donner notre opinion sur Jaws 2 nécessairement dans un épisode, mais peut-être qu'on va l'avoir écrit sur le site. Pour mais l'instant, quand vous voulez en savoir plus en détail, ils peuvent aussi aller écouter l'épisode du podcast. Ben, si jamais, oui, c'est ça. Là. Il y a si des jamais, critiques qu'on fait dans les épisodes aussi, mais la version courte est sur le site, là, la version écrite. Là, donc, exactement. Donc, par exemple, c'est quoi qu'on a fait dernièrement? Conjuring 2? The Nameless? The Nameless, oui. Oui. The Nameless, nos deux films de fourmis. Oui, c'est vrai. Oui. J'allais dire fourmis, mais c'est pas ça. Dem, Phase 4. Donc, nos critiques sont là. Donc, ceux qui ont écouté l'épisode vont pouvoir aller relire ce qu'on avait dit rapidement là-dessus. Donc, c'est très, très cool. Il va peut-être avoir même des gens qui vont s'y ajouter. On a proposé à Audrey d'en faire aussi là-dessus. Donc, ça... Moi, je suis vraiment très, très content de ce qu'on a fait. On a travaillé fort pour que ça look. Moi, je trouve que ça look. La recherche est là. Vous pouvez aller voir les critiques par ordre alphabétique ou juste aller chercher un film en particulier. Ou vous pouvez aussi aller chercher toutes les critiques d'un seul d'entre nous. Si jamais vous voulez voir à quel point Steven est tout le temps dans le champ, vous pouvez vous dire, bon, je vais voir toutes les critiques de Steven, puis je vais aller voir à quel point il est dans le champ. Mais c'est pas vrai, Sylvain. Elle est bonne. Voyons. Je ne suis pas Pierre, c'est pas vrai que. Moi, je veux féliciter Sébastien pour son beau travail sur le site. Parce qu'il travaille fort. Il travaille fort, Sébastien. Il travaille très fort. Je pense que j'ai personne de la job qui m'écoute, mais j'ai mis quelques minutes pendant mon travail là-dessus. Mais non, je suis vraiment content. Non, puis j'ai eu de l'aide aussi là, de certains de mes collègues. Mais je suis vraiment content. On a déjà au-dessus d'une bonne quinzaine de critiques. Évidemment, ça va se remplir au fur et à mesure. Probablement que pendant les 31 jours d'horreur, ça va monter en flèche. Ça va être trippant pour ça. Mais c'est ça, on va y aller au fur et à mesure. Vous les verrez peut-être pas toujours popper dans notre Facebook. Souvent, les sites, quand ils écrivent une nouvelle critique sur leur page Facebook, c'est une nouvelle critique d'un tel. On mettra peut-être les critiques des films les plus récents, mais... Je pense pas que ça vous intéresse de voir popper à toutes les fois qu'on fait une critique sur Vendredi 13, un Nightmare on Elm Street. Là. Je pense qu'on va se limiter aux nouveautés pour vous le faire savoir, mais sinon les autres vont apparaître sur le site et vous pourrez les consulter. Je suis vraiment content. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur les critiques? Pas mal non. Ça. Hein? Parfait. Yes! Hey, je suis content. Ben, moi, je dis, ne lambinons pas plus, comme dirait ma mère, allons tout de suite parler de cette première série qui est Ash versus Evil Dead. À toi, la fille qui crie. Et oui, on commence avec la saison 1 de Ash versus Evil Dead, développée évidemment par Sam Raimi et son cher confrère Ted Raimi, qui met en vedette Bruce Campbell, Ray Santino, Tiago, Dana Lorenzo et évidemment Lucy Lawless. Et les événements de Ash versus Evil Dead se déroulent 30 ans après ceux des deux premiers films parce qu'on n'inclut pas tout de suite le troisième film. On va revenir sans doute sur ce détail-là. Et on suit notre héros iconique Ash qui est un loup solitaire dans sa vieille caravane assez BS qui travaille encore dans une espèce de rip-off de S-Mart à faire des gaffes puis avoir une vie minable, à essayer de creuser tout ce qui bouge mais à pas finalement avoir grand-chose à se mettre sous la dent. Et durant une bonne petite soirée, à fumer un joint avec une de ses compagnes sexuelles, il va avoir la brillante idée de lire une des pages du Necronomicon qu'il possède encore pour X raisons et réveiller à nouveau les ténèbres et les démons du livre qui vont venir à sa poursuite. Et c'est alors que Ash va décider de se lier d'amitié avec ses collègues de travail, qui est Pablo et Kelly. Et en équipe de trois, ils vont décider d'essayer de détruire le livre Necronomicon et de renvoyer en enfer tous les démons que Ash a malheureusement libérés à cause d'un joint, si on peut dire. Ouais. Ouais. C'est pas brillant. C'est pas brillant, là, Ash. Là. Pourquoi t'as fait ça? D'un joint puis d'une chicks. Une chicks. Ouais. Fait que Sébastien m'a donné le contrôle de ce segment-là. Dans le fond, moi, ce que j'ai proposé à l'équipe, c'est qu'on fasse un petit survol de c'est quoi notre histoire avec Evil Dead, mais très, très bref, là. Puis nos attentes par rapport à la série, c'était quoi. Puis après ça, en gros, nos impressions générales de la série, tu sais, des différents aspects, là, les acteurs, scénarios, tout ça. Mais sans rentrer dans les détails, spoiler. Après ça, on fera une section spoiler vraiment pour rentrer dans les petits détails de l'intrigue, là, tu sais. Ça marche? Yeah. Ben oui, c'est merveilleux, ça. Fait que, tu quelqu'un qui voulait commencer avec son histoire avec Evil Dead? Je sais que Vicky, t'en as une histoire bien précise. Là. Tu l'as déjà un peu raconté, mais si tu veux faire un petit résumé... Oui, ben je peux commencer. Moi, en plus, c'est ça, j'ai été très, très, très en retard sur la série H vs Evil Dead. Je le voyais gros passer sur mon feed. Puis pourtant, on dirait qu'elle me faisait peur. Puis les peurs se sont confirmées dans le sens que cette série-là ne s'adresse pas à moi. Moi, je suis trop une fan du premier film. Et autant qu'il s'adresse au premier film, autant que sa blonde, c'est encore celle du deuxième. Puis, tu sais, comme il dit, à chaque fois que je suis rentrée dans la cabine, ben la maison, j'ai toujours perdu comme mes plus proches, mes amis les plus proches. À chaque fois que je visite. Fait que là, tu dis, ah, OK, il fait un clin d'œil au premier. Mais après ça, c'est sa blonde du deuxième. Puis, tu sais, les flashbacks, c'est le deuxième. Je pense parce qu'il n'y a plus les droits du premier. Hein. Ça, c'est juste le troisième. Parce que tu vois des extraits du premier. Des flashbacks du premier. OK. Fait que ouais, mais t'as raison, quand il avait créé le deuxième, il avait pas les droits du premier. Il avait perdu les droits, je pense. Pour le deuxième, Il avait créé une maison de production, là, comme la fleur qu'on voyait au début, ce que dans les maisons de production, en tout cas, peu importe. En tout cas, si ça blonde, c'est pour ceux qui le savent pas, si ça blonde, puis l'histoire entre le 1 et le 2 change parce qu'il y avait pas les droits, puis il y avait pas la gang qui voulait revenir. Fait que. Puis là, j'ai trouvé qu'à beaucoup de niveaux, ça s'adressait gros aux fans. Du 2 ou aux fans de Evil Dead en tant que truc canonique, en tant que truc mythique. Je peux pas dire que j'ai pas eu de plaisir, par exemple. J'ai adoré la série. J'ai vraiment aimé l'écouter. Je trouve qu'ils ont pas négligé le sang, ils ont pas négligé les maquettes, les marionnettes, le plaisir du dégueu. Ils l'ont pas négligé, puis ça, c'est vraiment un plaisir pour un spectateur. Ceci étant dit, personnellement, j'ai une grande histoire avec Evil Dead. Moi, Evil Dead, c'est un film que je pensais pas qu'il existait pour les autres, que je pensais que c'était une cassette inconnue que ma mère avait trouvée quelque part par chance. Fait que j'avais pas l'impression que d'autres personnes pouvaient l'aimer jusqu'à très tard dans ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai pas ce rapport fangirl. Tu sais, moi, Necronomicon, ça veut pas rien dire maintenant, oui, puis à un moment donné, faut que je l'accepte que oui, mais moi, dans ma tête, c'était le livre, puis il brûle à la fin, tu sais, puis ça finissait là. Fait que c'est pour ça que il y a une Necronomicon, je pense que Sam, hors micro, puis juste pour nos Patreons, tu as nommé le nom des bébites, ça se peut-tu? Les bébites ont un nom? Ça me dit absolument rien. Ça, c'est la première fois que je l'entendais, tu vois. Fait que dans un des films, dans le troisième? Dans le 2 et dans le 3, je pense. Dans le 2, ils disent. Puis c'est ça, j'adore aussi le troisième film, mais je l'adore encore une fois comme entité seule. Fait qu'on dirait que pour moi, ces deux films-là, c'est des entités seules. Puis, fait que c'est juste comme une bonne série, mais pour pas la fangirl en moi qui sera pas satisfaite. Mais c'est une excellente série, somme toute, de divertissement que j'écouterai et réécouterai. Je peux-tu m'abonner, moi, pour gagner les Blu-ray? Le gars d'Anchor Bay m'avait renvoyé un courriel en me disant hey, ça t'intéresse d'avoir les séries? Puis j'ai été obligé d'y répondre parce que tu me les as déjà envoyées. Ah. Fait que j'aurais dû dire. Ton chum peut participer. Moi, c'est ça, j'allais dire. Y a-t-il des petits caractères comme ces boîtes de chocolat qui dit que les membres de la famille peuvent pas participer? En tout cas, ben, je dirais qu'il y aurait peut-être des fans qui feraient comme attends une minute. Attends, là, si je clique sur sa face, ça m'amène à sa face. Oh, zut. Parce que c'est quelque chose de relativement court aussi, hein. C'est 10 épisodes d'une vingtaine d'une vingtaine de minutes. 25 minutes, ouais. C'est enjoyable, là, vraiment. Le personnage féminin, sa voix est assez sexy, hein, qu'un peu, là. Mmh. Kelly, elle a une voix full sexy. Bruce Campbell, il est encore. T'sais, moi, j'ai le Bruce du 1 puis du 3 comme deux personnages différents. Fait que lui du 1 m'a plus marqué. Il est pas macho tant que ça dans le 1, là. Non. Il est pas loverboy pantoute, là. Puis là, il est hyper loverboy, hyper vieux monon calme. Fait que j'ai adoré ça aussi. Mais c'est ça, on dirait que il y a comme toute une fantaisie, un peu une littérature derrière la série que je connais, mais que je m'y attache pas. Sauf que je peux dire, par contre, pour quelqu'un qui n'est pas fan des films, peut quand même énormément apprécier la série. Ouais, parce que t'as pas besoin de... Oui. Ouais. Non, ben, j'allais dire, t'avais-tu terminé ou en gros? Ben, oui, vas-y, vas-y. Ça parce que j'avais envie d'embarquer un peu, puis les autres me couperont, j'avais envie d'embarquer. Parce que t'as raison, il y a vraiment une séparation entre... Ben, d'abord, il y a une séparation entre le premier film puis le deuxième film. Le 2 puis le 3, ça ressemble beaucoup plus, là. Même si le 3 est vraiment très cartoon. Puis la série reprend un peu ce côté cartoon-là, puis on retrouve pas vraiment le H du premier film. Du on tout. Retrouve vraiment le H du 2 puis du 3, surtout. Je pense qu'ils ont vraiment focusé sur le 2, comme on voit les flashbacks sont beaucoup du 2, il y en a du 1, mais ils sont beaucoup du 2. Puis longtemps, c'était supposé être un film, cette affaire-là, puis ça a été développé en série. Puis tu sais, je sais pas qu'est-ce que j'aurais préféré, parce que j'aime beaucoup moi aussi, je vais dire comme Vicky, j'aime beaucoup, beaucoup la première saison. J'ai beaucoup, beaucoup accroché à ça, puis tu sais, le sang, ils ont pas lésiné là-dessus, puis tout, puis les effets pas. Spéciaux, non. Mélange d'effets pratiques, puis de CGI, ça me dérange pas le CGI là-dedans, pas tellement, en tout cas, je l'accepte, c'est de la télé, tu sais, je me dis, ça peut pas mais être... Je pense qu'il y a une fois, moi, qui m'a gossé, puis c'est quand il y a du verre qui éclate. Ah qui ouais, revole, ok, genre okay. De... Là, j'ai fait... Ouais, ok, rendu là, mets-moi des morceaux de vitre avec de la ficelle, ça va me déranger moins. Mais c'est la seule fois. Puis tu sais, pour de la vitre, on s'en fout, là. Ouais, c'est ça. Honnêtement, j'ai regardé les spéciaux futurs par la suite, là, puis je vous dirais que 80% d'effets pratiques, puis 20% de CGI. Ouais. Puis le CGI sert vraiment à patcher des détails, parce que tout est pratiquement fait à la main, que ce soit le livre, les poupées. C'est fou, le CGI sert vraiment à aller mettre le petit truc un petit peu plus over the top, mais c'est vrai que des fois, il apparaît, puis tu fais comme « Ah, c'est-tu nécessaire, vraiment? » Mais à quel autre moment? En même temps, t'es en série télé. Ah, mais il y a plein de petits moments, c'est comme au début de sang, là, dans le premier épisode la policière c'est pour le générique. Dans le premier épisode la policière elle reçoit genre des ciseaux ou un couteau dans une main. Puis tu sais en gros plan le dedans de la main, tu vois que c'est pratique, c'est la poignée qu'ils ont collé dans la main. Puis le dehors de la lame, c'est vraiment du CGI, j'ai cru voir du CGI en tout cas. Okay. Okay, Il y a certains moments parce que tu sais que c'est parce que c'est du manque de temps, puis une série télé, il faut que ça roule. Là. Ouais. Comme des longues langues, des fois, des affaires comme ça. Ouais, comme la petite poupée qui s'anime. Ouais. Comme tu dis, Jeff, on l'accepte, mais c'est pas beau. Non. C'est pas du beau CGI. Là, je me suis posé la question tout le long, j'ai dit. Il y a une partie de moi qui aimerait encore que ça aurait été un film. Et non, on parle pas du remake, là. On parle vraiment d'un film qui fait la continuité, mettons, des trois premiers. J'aurais aimé que ce soit un film peut-être plus court, plus resserré par moment. Il y a des moments qui s'allongent pour rien en série, mais on en reparlera. Mais, tu sais, le film aurait été peut-être mieux fait au niveau des effets spéciaux, parce qu'il y aurait peut-être eu plus de budget. Mais je pense qu'au final, ça marche quand même en série télé. C'est juste que là, je vais revenir au personnage. On disait qu'il avait changé le personnage de H. Ouais, mais... Puis pour la série télé, ils n'ont pas le choix parce qu'il faut qu'ils parlent. Puis dans le deuxième film, troisième film, même dans le premier, il parlait, mais pas tant que ça. C'est pas le gars le plus loquace au monde, tu sais. Dans le troisième film, il faisait juste des one-liners comiques. Mais encore là, ces one-liners t'imposaient des moments précis. Puis c'était pas des grandes, grandes conversations qu'il y avait. Son personnage a changé dans la série. Parce que tout à coup, c'est un gars qu'il faut qu'il soit sociable. Il faut qu'il soit capable de parler à des gens, avoir des conversations. Puis c'est différent. C'est pas exactement le même H. Le Ash que je connais, je le retrouve vers la fin de la saison, quand il se retrouve à des moments tout seul, ou encore au début aussi, des moments tout seul avec la poupée, des trucs comme ça. Là, il fait des one-liners. Mm. C'est comme, OK, là, il parle pas avec un autre humain. Là, c'est lui contre les Deadites ou contre des entités. Fait que je me dis, ça, c'est vraiment le Ash que moi, je connais, que j'aimais, qui est tout seul, dans, comme dans le deuxième film, tout seul dans sa cuisine, puis qui se donne des coups d'assiette, des trucs comme ça. Ça, c'est le Ash que j'aime, tu sais, dans le deuxième film. Puis là, je le retrouve dans certains moments de la série, mais d'autres moments, je suis comme, eh, c'est pas tout à fait lui, mais en même temps, c'est lui. Fait que je suis comme tout le temps en conflit par rapport à ça. Puis je suis pas en train de dire que j'aime pas la série, là. Je suis pas en train de dire que j'aime pas ça. Je fais juste noter des petites affaires, là. J'ai l'impression que ce H-là, c'est un H avec un Bruce Campbell. Oui. Tu sais, de tout ce qu'on a vu de Bruce Campbell à travers tous ces autres films où ce qui a été plus... ce genre loquace, de personnage-là, là, ouais. Très loquace, là. J'ai l'impression qu'ils ont pris Ash, puis ils l'ont nourri de tout ça. Ils l'ont Bruce Campbellisé. Ils l'ont Bruce Campbell. Je pense comme que, dans My Name is Bruce, il est un peu comme ça. T'sais. C'est ça, exactement. Puis moi, ça m'a gossé. Oui. Ça m'a très gossé parce que Ash, c'était un héros. Oui. Et là-dedans. Un héros anti-héros. C'est un très anti-héros, trou de cul, là, tu sais, là. Ben, c'est pas mal ça qui est dans Army of Darkness, là. Ouais, mais dans Army of Darkness, mais c'est un des pires trous de cul dans Army of Darkness, la manière qu'il traite dans Army of Darkness. Ouais, mais Army of Darkness, il est pas dans une situation où, ce que je sais pas, tu sais, c'est encore lui qui doit sauver tout le monde, je veux dire, c'est les mêmes... Mais c'est pas son monde, tu sais. C'est pas son monde, tu sais. Il est comme rendu. Je pense que dans Army of Darkness, il est rendu d'un moment où il est comme, hey, puis fuck that, tu sais. Ouais. Tandis que là, il est avec des vrais humains. C'est vraiment, là, tu sais. Juste au début, tu sais, de savoir qu'il a fumé un joint puis il était lire le Necronomicon, j'étais comme, quoi, sérieux? Tu sais, autant que je trouvais ça drôle, autant que j'avais un sourcil de même, là, tout croche, qui était comme, ah! OK. Il y a beaucoup d'affaires comme ça qui sont faites pour le gag, mais quand tu y repenses, tu fais, c'est que ça marche pas que le personnage ou ça marche pas que tout ce qu'il a connu avant. Puis... Exactement. Non, mais ça. Il est imbécile. Hey, laissez parler, Steven. Ça, de toute façon, c'était l'idée de Sam Raimi, de son scénario pour le quatrième film il y a des années. Fait que c'était déjà prévu que le film débute avec Ash qui lit le Necromanicon à cause qu'il a pris de la drogue. Puis c'est juste qui voulait le faire. Ouais, c'était vraiment ça qu'il voulait faire dans ville, tout ça. Le premier épisode de la série résume un peu une grosse partie du film qu'on aurait eu, mais... En même temps, le premier épisode, moi, j'ai l'impression, la manière que je le vois, là, les 30-40 premières minutes, il est un petit peu plus long que le reste de la série, le premier épisode. 45 minutes, le dernier aussi. Puis moi, ce que j'ai l'impression dans le premier épisode, c'est un genre de... C'est un peu comme The Force Awakens. C'est tu prends le best des trois films, tu prends les mêmes plans de caméra, le même genre de beat, là, qui arrive, des mêmes affaires qui arrivent... des clins d'œil. Des clins d'œil aux trois premiers films, surtout aux deux premiers. Puis on nous amène une nouvelle équipe avec le vieux encore. Puis après ça, on se lance dans l'aventure avec d'autres réalisateurs après ça, parce que le premier, c'est Sam Raimi. Après ça, c'est d'autres réalisateurs qui vont copier un peu le style ou apporter leur propre touche à eux autres. Mais le premier, j'ai vraiment eu l'impression de voir un genre de best-of de Devil Dead, que j'adore. Là, encore là, j'adore ça. Je fais juste dire des pensées comme ça qui m'ont passé par la tête. Puis c'est ça, tu sais. Mais c'était bien, c'est correct, c'est bien fait. C'est comme je dis, The Force Awakens que j'adore. Fait que ça me fait un peu penser à ça. T'sais, on amène une nouvelle gang avec le vieux, puis on donne des choses aux anciens fans pour qu'ils soient heureux, des mêmes plans de caméra, le même genre de truc, la même auto, puis toutes les affaires qu'on aime de Evil Dead. Ça fait partie de l'univers aussi, de toute façon. C'est comme ça. La voiture est supposée être là. Tu peux pas faire Evil Dead sans la voiture. Non, c'est ça. Il fallait qu'ils disent groovy. Fallait que quand ça tienne ça, puis son gun apparaisse, fallait que ce soit pas genre anecdotique, fallait que ça pop et que tu fasses comme ouais, c'est tout à fait plus grand que nature, tu sais. Là, je sais qu'on est comme pas mal déjà dans le vif du sujet, mais le concept, c'était pas qu'on parle de notre relation avec Evil Dead avant d'embarquer sur la série. Ben oui, mais tu sais, on peut faire ça. Je sais pas, c'est... Ben oui, y a pas de règles vraiment, là, tu sais. Ok. Y a pas de police derrière nous autres qui dit « Vous respectez pas les règles du podcast! » Ben oui, je suis là. Il y a un arbre en arrière de toi, Steven, puis si tu fais pas ce qu'on te dit de faire, tu sais ce qu'il va faire. Ben, brièvement, c'est ça. Moi, mon histoire avec Evil Dead, c'est ça. Je les ai vus dans les années 90, je pense, les trois films. Mais j'ai commencé par Army of Darkness, en fait, en français. Puis ça m'a donné le goût de voir les autres, parce qu'au début, tu avais des images du 2. Puis en même temps, il avait recréé des scènes avec Bridget Fonda qui faisait le rôle de Linda. Fait que j'étais juste curieux de voir ces scènes-là. Puis après un moment donné, j'ai vu le 2. Puis je pense que j'ai vu le premier en dernier. Puis le premier a tout le temps été mon préféré parce que c'était pour moi un vrai film d'horreur. Il y a des bouts qui me foutaient la trouille des années 90 quand je le voyais, puis j'étais plus jeune. À ce temps, moins, là, tu sais, je le regarde, mais les voix, là, tu sais, John, ouais, les voix, ouais. Puis le rire de la blonde, tu sais, dans le couloir quand elle était assise, puis des trucs comme ça, puis... Ouais. Des trucs comme ça qui me foutaient la trouille, là. Puis les effets spéciaux me dérangeaient pas, tu sais, quand tu vois le monde se liquéfier ou des trucs comme ça, ça me dérangeait pas, tu sais. C'est cartoonesque un peu, mais ça reste que c'est efficace. L'ambiance est efficace, les mouvements de caméra sont efficaces, tu sais, dans le premier. Il y a de quoi que Sam Raimi a développé dans sa caméra avec ces films-là, puis tu sais, on les aime, là, tu sais. Des fois, je réécoutais ces films qu'il a fait par la suite, puis on est content de les revoir, ces petites shots de caméra-là. Là, fait... Puis les trois Evil Dead sont parmi les films, je pense, qui m'ont amené un jour à aller étudier en cinéma, parce que c'est des films qui te donnent le goût d'en faire d'autres. Quand tu regardes les making-of, tu regardes le making-of du 2, tu dis, coudonc, je pourrais faire ça, moi, ici. Ça a l'air si compliqué que ça. C'est une gang de chums dans le bois qui font des niaiseries avec des marionnettes, tu sais. Puis tu vois le truc, comment est-ce qu'ils font pour filmer des affaires, tu fais « Hey, c'est facile, il y a pas de grosse caméra à 300 millions, grue, ben, des trucs comme ça. » Non, c'est petit budget. Ça, c'est vrai, par exemple. Ça, c'est vrai. Puis la série respecte quand même cette idée-là que c'est un esprit simpliste. Evil Dead, le premier, le troisième, oui, peut-être parce que c'est cartoon, c'est un peu plus gros, puis c'est Army of the Darkness, fait que ça prend un armée. Il y a plus d'effets spéciaux. Ouais, puis il y a des décors, des trucs. Mais même la série, tu sais, ça reste dans l'intime. Il y a une espèce d'intimité quand même dans cette série-là, puis ça reste petit. Tu sais, je sais pas, moi, c'est quelque chose que j'ai aimé. De toute façon, la série, c'est toujours un épisode, un lieu. C'est ça. Toujours un épisode, un lieu. De toute façon, ça a bien l'air facile des making of les Evil Dead, là, mais quand tu regardes le paquet de rip-off raté qu'il y a eu, tu vois que c'est pas si facile que ça. Non, ça prend du talent de réalisateur, ça prend un visionnaire, ça prend du monde autour, des bons scénaristes, des bons acteurs, puis tu as Bruce Campbell au cœur de la série. Ce gars-là est excellent. Il ferait pas un grand rôle dramatique, il ferait pas du Shakespeare, ce gars-là. Mais pour faire du slapstick, là, comme je disais tout à l'heure, les assiettes à la tête dans le deuxième, des trucs comme ça, la scène de la cuisine, ça restera tout le temps une de mes scènes préférées de l'histoire du cinéma en entier. Là, ce gars-là est débile. Il refait un peu la même chose dans la scène de la petite poupée. Puis encore là, je me dis, ce gars-là, il est génial là-dedans. Là. Il l'a pas perdu là, à 60 ans ou 55 ans, je sais pas trop. Là, il l'a pas perdu pantoute. Là. Puis dans la série, pour revenir à la série, ce que j'ai aimé, c'est deux acolytes. Moi, je suis en amour avec Pablo. Et moi aussi, j'adore Kelly, elle est super le fun, elle est badass, elle est sexy, pis tout. Mais Pablo, je suis en amour avec lui, il idolâtre Ash, ça me fait trop rire, tu sais. Ouais. Elle est fait. Tu sais, son amour pour Kelly, qui est le fun, pis ce personnage-là, il est tellement adorable, tu sais, je voudrais que ce soit mon petit frère, tu sais, il est tellement le fun, tu sais. Ah, t'es comme Kelly. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que Steven va nous en avoir longtemps à dire. Je vais y aller vite. Moi, les Evil Dead, j'ai découvert parce que quelqu'un, quand je travaillais au club vidéo début des années 2000, me disait dans le temps, l'opéra de la terreur m'avait fait la chute à la chienne. J'étais comme l'opéra de la terreur, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, je cherchais, je trouvais pas. Puis maintenant, j'ai fini par savoir que c'était Evil Dead. Je l'avais écouté à l'époque, j'avais comme fait ouais, c'est correct, tu sais. Mon œil de gars de film d'horreur était plus ou moins encore aiguisé, tu sais. Puis je voulais juste avoir la plus grosse chienne de ma vie, tu sais. Puis là, c'est là que j'avais comme allumé un peu Army of Darkness. Je connais ça. Moi, j'avais juste vu Army of Darkness avant, tu sais. Mais sans savoir du tu sais que ça sortait. Puis tu sais, au début, d'Army of Darkness raconte rapidement le deuxième. Ouais. Puis là, mais tu sais, j'écoutais le premier, puis j'étais, ouais, mais t'as pas vu. J'ai déjà vu ça, mais c'est pas ça. Quand je les écoute, j'ai vu, mais c'est pas ça. Là, c'est pas ça. Puis là, je me suis retapé à Army of Darkness. Puis j'étais comme, ah, mais c'est quoi cette affaire-là? Puis là, je découvre qu'il y en a un 2. Puis le 2, je l'ai écouté très, très tard. Je pense que je l'ai écouté il y a 2 ans. Oui, mais quand je l'ai écouté, par exemple, je pense que j'ai vu 4 fois depuis. c'est là que j'ai vu, ok, c'est bon, je viens de comprendre ce qu'on s'en vient, puis je viens de ce qu'on s'en va avec Ash, puis tout ça. Puis je pense que mon préféré reste quand même le premier, mais je les aime tous pour chacun leur raison. Evil Dead 2, juste pour tout ce que Ash fait, puis tu sais, la scène de la cuisine, comme tu disais, JF, tu sais, se battre avec sa main de façon aussi hot, c'est vraiment malade, là, tu sais. La main qui a l'air d'avoir le couteau, puis que lui qui est comme, oh mon dieu, elle a vu le couteau. Tu sais, il y a de quoi, là, il a fait vivre sa main, c'est malade. Puis Army of Darkness, ben c'est Army of Darkness, c'est juste du gros... Wow! À ce moment-là, okay, c'est un héros de BD, là, tu sais, quand ah, tu ouais, regardes. C'est ça. Oh, ouais. Puis, donc c'est ça, mais moi, j'avais vraiment hâte à Ash vs Evil Dead, mais j'avais mis mes attentes très basses, parce que je me disais, regarde, on est rendu ailleurs, puis il y a eu... Surtout qu'on venait juste d'avoir le remake, c'est ça? Puis on avait le remake que moi, j'avais apprécié, tu sais, oui, j'étais comme, regarde... qu'est-ce qu'on va faire? On va ressasser des vieilles affaires, tu sais. Puis le premier épisode, ressasser tout ça, puis à la fin de l'épisode, j'ai fait « Yes! » C'est ça que je voulais, finalement. Puis j'ai apprécié la série en tant que telle, mais j'ai quand même des réserves. Je trouve que scénaristiquement, elle est très, très faible. Mm-hmm. C'est une série qui est faite que pour être funny, drôle, tout ça, avoir du gore, parce que avant les quatre derniers épisodes, côté histoire, c'est très très mince. Il y a rien après un épisode qui me faisait dire « Ah, oh, j'ai tellement hâte de savoir la suite, de savoir où est-ce que ça s'en va. » Non, tu sais. Il y a 3-4 épisodes au milieu qui se passent. Tu sais, que ça fait pas avancer l'histoire, vraiment. Ouais, il n'y a pas de cliffhanger ben là. Il n'y a jamais de cliffhanger. Puis tu sais, l'intrigue, ça reste. Ash et les autres vont aller détruire le livre. On sait pas comment. Puis chaque épisode, tout le temps par... Un mécanisme de « Ah! Oh, ben finalement, j'ai découvert où est-ce qu'on va s'en aller à la prochaine épisode. » Parce que, tu sais, c'est tout le temps genre « OK, on a fini ici. On a tué des monstres. On s'en va là-bas pour la raison X, Y, Z. L'épisode d'après, ah, on a tué les monstres ici. On s'en va là-bas pour l'épisode pour la raison X, Y, Z. » Excepté pour les 3 ou 4 derniers épisodes, parce que là, tu fais comme « Wow, OK, les choses sont en place. Là, on y va. » Puis, comme tu parlais de film, Jeff, qu'il y avait peut-être il y avait en tête, ou c'est Steven. Non, c'est Steven. En tout cas, peu importe. Ouais. J'ai l'impression que ces 3-4 derniers épisodes-là, c'est le film qu'on aurait peut-être dû avoir, tu sais. Et j'ai adoré. Ça a tout réchappé. Puis, à cause de ça, je la réécouterais, cette série-là, juste parce que j'aime où ce que finalement elle s'en va. Fait que je serais capable de tolérer les épisodes où il se passe un petit peu moins de choses, puis où ce que c'est un petit peu plus faible, juste parce que je sais que ça s'en va de quelque part de vraiment trippant. Puis ben l'humour serait encore là, puis je l'apprécierais. Ça donne la structure d'un film, c'est ça l'affaire. Tu peux pas écouter cette série-là épisode par épisode comme j'ai fait avec Jeff au début. On se tapait un épisode par semaine. Ça me frustrait littéralement. J'étais comme, c'est comme si quelqu'un avait une télécommande puis me pesait pause d'en face. C'est pas fait pour écouter entrecoupé d'épisodes. Non, je suis d'accord. Moi, aujourd'hui, je me suis tout tapé les 10 épisodes. Puis ça, j'ai écouté en deux soirs, puis c'était ça. C'est un truc que j'espère qu'ils vont corriger dans la saison 2, parce que le gros défaut de cette série-là, c'est le fait que ça dure une demi-heure par épisode. C'est trop court. Même, je dis une demi-heure, c'est 25 minutes. C'est trop court. T'as pas le temps de mettre en place tes... T'sais, le temps qu'on s'installe dans l'épisode, c'est déjà terminé. Fait que ça me frustrait littéralement. C'est comme, t'as besoin au moins de nous donner des épisodes de 45 minutes comme le premier, là. Oui, puis les épisodes les plus intéressants, c'est quand ils restent à certains endroits, comme... Le restaurant, c'est un des meilleurs épisodes, je trouve. Puis C'est la même demi-heure, mais c'est le fait qu'ils restent au même endroit, puis justement, c'est là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils passent plus qu'un épisode dans un endroit, mais je ça pense... Ça arrive juste vers la fin, l'oncle, ça, non? L'oncle de Pablo? On c'est juste deux, un épisode, il me semble. Ça. C'est deux épisodes. Non, ça, c'est un épisode coupé en deux. Puis pour ma part, c'est le gros point faible de cette série-là, c'est ces deux épisodes-là. OK. Tu vois, moi, j'avais préféré ça parce que ça prenait plus le temps d'être à quelque part. C'est tellement mal exploité, ça me déçoit, ces épisodes-là. Ben, ça finit très garoché, Non, mais le potentiel d'être dans la tête de Ash, puis de les... Tu sais... Pourquoi on aime Evil Dead? Pour la folie. C'est ça qui est hot dans Evil Dead. Sam Raimi nous offre un univers déjanté, gore, puis fou, où il arrive des choses complètement démentielles. Et là, avec un épisode, les scénaristes donnent la chance au réalisateur de se laisser aller, puis de faire ce qu'il veut. On est dans la tête de « Ah, je peux faire apparaître n'importe quoi, il peut arriver n'importe quoi dans cet épisode-là. » Et ils foutent rien avec ça. Toutes les scènes, à chaque fois, je me dis, OK, là, ça décolle. À un moment donné, Ash, il a les yeux tous cousus. Puis il y a des créatures autour de lui. Là, à un moment donné, il finit par avoir sa chainsaw parce qu'il se rend compte qu'il peut avoir le contrôle sur son univers. Je me dis, OK, ça va être badass. Non, jamais. Cet épisode-là n'utilise jamais le potentiel qu'il avait. Et au contraire, je trouve que ça brise le rythme de la série qui se veut justement rock and roll, puis vraiment le fun, puis rythmé. Puis ces deux maudits épisodes-là qui... déjà en partant, le défaut, c'est qu'il soit coupé en deux. Je crois que cet épisode-là aurait été moins décevant si les deux auraient été collés ensemble. Ça brise vraiment le rythme de la série. J'ai vraiment pas aimé ça, au point que quand j'avais parlé à JF, j'ai dit « Ouais, finalement, j'ai écouté 4-5, puis je commence à me dire que c'est peut-être pas si bon que ça, finalement, Ash vs. Evil Dead. » Mais tu vois, le premier épisode de ces deux-là, c'est un des seuls épisodes qui se fait avec un cliffhanger. Fait que c'est pour ça que moi, j'avais apprécié. Mais tu vois, t'as raison, parce que dès qu'on te rentre dans la tête de Ash dans ce moment-là, c'est le moment où j'ai commencé à moins aimer le personnage vraiment, puis à faire comme oh, c'est un trou de cul. Tu sais, c'est là que j'ai commencé à moins aimer Ash, puis ce qu'il en faisait. Parce que j'étais comme oh, ouais, mais là, c'est pas le héros, puis j'ai plus d'attachement. Je me sentais mal à l'aise. Ouais. J'étais comme cet épisode-là me rend mal à l'aise. On dirait que c'est mauvais. Sans l'aide totalement. Je suis comme, il y avait de quoi qui marchait pas dans cet épisode-là. J'ai l'impression qu'on a le goût de rentrer dans les détails. Oui. Bientôt. Hein, mais il y a aussi, faut pas oublier, ils sont à la télé, mais il y a des impératifs commerciaux. J'imagine qu'il faut qu'ils fassent durer ça sur plusieurs saisons. Il faut qu'ils donnent des explications à des affaires. Ils peuvent pas être complètement éclatés non plus tout le temps. Il faut qu'ils donnent des affaires vraiment, des motivations aux personnages pour qu'il y a un but, quelque chose, il veut aller à telle place où ils sont... Ouais, là, le but, c'est de nous présenter... Tu sais, cet épisode-là sert à un événement de l'épisode final qu'on va comprendre, ouais. Mais tu sais, même si tu veux nous donner cette information-là, tu peux rendre ton épisode trippant puis le fun, puis ouais. Sans que ça soit stallé sur une place. Là, à un moment donné, je me disais, qu'est-ce que c'est autant bavard que Matrix à la fin Reloaded quand le vieux commence à tout expliquer à Neo. Tu sais, t'as le gars qui regarde Ash avec ses mains, puis vraiment, mais qu'est-ce que vous voulez dans votre univers, monsieur Ash? Puis je suis comme, OK, on n'est pas dans ça, c'est pas ça que je veux. Je veux pas que tu commences à me sortir de la philosophie. Je suis là pour avoir du fun, puis voir Bruce Campbell, justement, faire des trucs slapstick, puis avoir du gore. Mmh. Ouais. Mais sinon, juste pour dire rapidement, moi, mon amour avec Evil Dead, c'est le deuxième film d'horreur que j'ai vu dans ma vie. Ça a marqué mon enfance et c'est à ce jour encore mon film d'horreur favori, le premier Evil Dead. J'aime les trois films. Pratiquement égal, mais je garde une affection particulière pour le premier pour la simple raison que c'est le premier que j'ai vu et parce que c'est quand même de l'horreur pure et c'est ça que j'apprécie. Ceux qui disent encore que c'est une comédie, le premier, c'est comme... Moi, je la vois pas, la comédie, honnêtement. La comédie est pour nous autres, là. C'est nous autres avec le recul puis le vieillissement des effets spéciaux qu'on finit par peut-être, mais même là, moi je trouve que c'est un film qui reste effrayant encore sur son ambiance puis son atmosphère. Là, je vois vraiment pas grand chose de drôle. Tu sais, la fille qui se fait violer avec des arbres, je trouve pas ça drôle. Non. Mais la cheville quand elle se met à craquer, là, moi ça me fait encore des frissons là. Le crayon? Oui. Ouais. Non, c'est ça. Puis comme t'as dit, Jeff, la fille dans le couloir à terre. Puis l'autre qui est soulevé dans les airs, puis qui lui lance des menaces, puis tout. Puis c'est génial. Les voix, c'est juste les voix de démons. Puis je suis content qu'ils ont à peu près les mêmes voix dans la série, tu sais. Ouais. Puis c'est des films qui m'ont fasciné toute ma vie pour la simple raison que ce sont vraiment... C'est des leçons de cinéma, les deux premiers Evil Dead, littéralement. Moi, ce qui me fascine le plus dans le cinéma indépendant, c'est de voir un réalisateur avec pas de budget... puis montrer qu'est-ce qu'il peut faire avec. T'sais, moi, c'est là, c'est le moment de sortir ta créativité puis de montrer tout ton talent. Et quand tu regardes les deux premiers Evil Dead, c'est une source d'inspiration pour n'importe quel réalisateur. T'sais, c'est une gang d'amis qui sont dans le bois avec une caméra sans équipement professionnel. Puis Krim, il fait des plans puis des 360, des choses qu'on a rarement vues à cette époque-là. Puis Evil Dead 2, c'est encore 10 fois plus, mais avec le budget qui va avec. Pis, il exploite son décor. Il exploite son décor. Hey boy, dans le 2, tu dis? Puis je suis content que l'aspect horreur dont on parlait du premier film, ils l'ont gardé au moins dans le premier épisode, parce que la scène des policiers au début est épeurante. Là. Tu regardes ça dans le noir, là, c'est épeurant. Le démon qu'on voit là, il est effrayant. Là. Puis je trouve que l'aspect des démons, en général, est bon dans la série. Le démon de la librairie, il est bien fait aussi. Moi, en tout cas, moi, je l'aime, son design, puis sa manière de bouger tout le temps. Puis, Ça fait plusieurs mois de making pour ce démon-là. De quoi? Ça a pris au-dessus de 2-3 mois pour faire la création de ce démon-là, le costume et tout. Là. Mais tu sais, le film est dégueulasse en soi. Sérieux, j'ai mangé 2-3 fois en l'écoutant. Puis les achats, je sais pourquoi. Tu prends le temps de manger devant le film, c'est dégueulasse. Oui. Le film est vraiment dégueulasse. Puis je pense que c'est justement par beaucoup de maquettes puis beaucoup de marionnettes qui font en sorte qu'il est aussi réaliste puis que tout te lève le cœur encore. Puis comme ils ont réussi, comme dans le premier... à nous lever le cœur. Puis tu sais, aujourd'hui, je trouve que c'est un défi vraiment de donner ce frisson-là, puis ils l'ont eu. Ouais. Moi, je me doutais que la série aurait un nouveau ton, parce que c'est ça que ça fait avec chacun des films. Tu sais, ceux qui ont vu le premier Evil Dead à l'époque, quand ils ont vu le 2, ils ont dû voir la différence avec Limon Noir, puis encore plus avec Armored Darkness qui change littéralement de ton et de style. Et j'étais prêt à accepter le nouveau changement qu'elle allait avoir avec la série, parce que je me disais, c'est inévitable, c'est sûr que la série va essayer de quelque chose de nouveau. Pas le choix, tu as besoin de moderniser ça, puis essayer de quoi. Puis Sam Raimi, il l'a dit, il dit, moi, je veux réaliser le premier épisode, puis honnêtement, je vous laisse carte libre, je veux juste pas vous fassiez la même chose que j'ai faite. Créez votre propre Evil Dead, si on veut, votre propre univers, allez-y avec les idées que vous avez, puis c'est tout ce que je désire. Fait que moi, j'étais prêt. Puis le premier épisode, comme tu dis, Sébastien, c'est un genre de best-of, si on veut. C'est là pour nous donner tout ce qu'on attendait d'un nouveau Evil Dead avec Sam Raimi à la caméra, puis il en profite durant les 45 minutes. Mais moi, la scène avec les policiers, lorsqu'on voit le premier Daylight, j'étais comme, oh merci. Merci Sam Raimi de me ramener les vrais démons que j'aimais de l'époque. Pas les supernatural avec les démons aux yeux noirs que malheureusement on revoit dans l'épisode avec l'oncle de Pablo. Là, oui. C'est une des raisons pour laquelle j'aime pas cet épisode-là également. Mais la folie des démons, tu sais, qu'elle se tourne la tête, puis là, elle fait les bruits, puis avec les mouvements, c'est écœurant. Puis cette scène-là est 100% horrifique. Puis la mise en scène de Sam Raimi, encore une fois, dans cette scène-là, tu vois qu'il n'a rien perdu de son talent. T'as la scène où son partenaire policier, la fille, il a l'air comme possédée, mais elle n'est pas certaine. Puis à un moment donné, elle échappe la flashlight, puis elle fait juste faire un 360 pendant quasiment deux minutes. Oh oui, c'est puis fort, Sam Raimi se sert de l'éclairage pour le changement du visage. Puis il y a une évolution de la scène avec la flashlight qui tourne au ralenti de plus en plus. J'étais comme, wow, man, c'est vraiment du Sam Raimi tout craché. Mais tu vois, il n'y a rien dans le reste de la série qui m'impressionne autant visuellement que dans le premier épisode. Parce que Sam Raimi n'est pas absolument. Là. Ouais. C'est un point qu'on peut reprocher, ça manque un peu de Sam Raimi, la réalisation. Ils ne sont pas laissés aller, je trouve. Ils restent quand même dans le convenu. Oui. Comme, on rentre dans les détails et dans les spoilers ou non, là? Ben, moi, je pense qu'on serait dû. OK, ben... Oh. Est-ce, qu'on donne, est-ce qu'on donne une note à la série, juste pour ceux qui veulent skipper les spoilers? Ouais, une impression générale, là? Ouais. OK. Ben, pour toi, Vicky, ça serait quoi, en général, ta note? Ah, bon, 4 sur 5. Ouais. Ouais. Ben moi aussi, un 4 sur 5. Il y a des petits défauts, mais en général, c'est très, très agréable. Moi, j'irais avec un 3.5. J'ai une coche en dessous, à cause du milieu qui m'a gossé. OK. Logiquement, j'irai avec un 3.5, avec une couple de détails qu'on va parler, mais le fan en moi va donner un 4, parce que, Christ, que c'est le fun de retrouver H, sérieux. Mais dans le fond, on est tous d'accord pour dire que c'est à écouter. Oui. Pour n'importe quel fan, oui. Vous devez vous inscrire pour le concours. Exactement, c'est ce que j'allais dire aussi. Fait que là, je vais, dans le montage, je vais vous dire, j'avais dit que je le ferais plus, mais je vais le faire pour cette fois-là. Je vais vous dire le timing du. Où ce qu'il faut vous skipper si vous voulez pas écouter les spoilers. Fait que. Voilà. La section spoiler de Ash vs. Evil Dead se termine à 1h28 minutes. OK? Là, je peux spoiler, là? OK. Parce qu'on allait dire, ils se sont pas laissés assez aller. Justement, quand Pablo y est possédé, boum, spoiler! Il aurait vraiment pu le faire voler au travers de la pièce, là. Normalement, il est juste recroquevillé, le dos en sang, à crier sa vie. Puis le masque, il ressemble au masque, hein? Tout le monde, le masque. Oui, c'est le masque du masque, le film Le Masque. Mais tu sais, avant qu'il vienne voir, c'est vraiment. C'était malade. Très, très, très beaucoup. Bon, ben quand il y a le masque du masque sans être vert fluo, là, il est pas assez fucked up. Il pourrait vraiment voler dans pièce, il pourrait se battre avec lui-même. Je sais pas, mais il est pas assez fucked up. Il aurait pu être foutrement effrayant à ce moment-là. Là. Mais parce qu'on venait dans le setup pour être effrayant. Pour ceux qui continuent à écouter et qui ont pas vu la série, c'est qu'à la fin, on retourne dans la cabine. Ouais, la cabine originale. Ben, la cabane en français, là. Une cabine, c'est en anglais. Cabine téléphonique, c'est tout petit. Mais non, mais tu sais... Qui est très bien recréé, d'ailleurs. Oui, vraiment. Au détail près. C'est vraiment bien fait, ça. On se retrouve dans le deuxième film, là. Oui. C'est ça, mais le concept, à la fin, je m'excuse de te couper, Vicky, mais le concept, c'est pas épeurant, c'est pas assez extravagant, là, l'affaire de Pablo, mais tu sais, le concept en tant que tel, c'est quand même assez fucked up, qui donne naissance à des petits-enfants démons, puis tout, puis je trouvais ça intéressant, là. Ah, oui, mais tu sais, je veux dire, ils ont réussi mieux quand Kelly est possédée, là. Oui. Il l'attache, là. Le démon, il frappe la tête de Kelly sur un bout que Steven n'a pas aimé, là, oui. Je sais pas, mais pas lui, c'était pas tant que Kelly, c'est les yeux noirs. Mais t'as-tu remarqué que quand Asba, il frappe la tête oui. Ouais. Ce qui est attaché, puis c'est plein de sang. Mais je trouvais que c'est un détail quand même intéressant parce que tu vois qu'il y a une bataille physique. Puis, tu sais, j'avais envie de dire, ben, donnez-y un oreiller quelqu'un, mettez-y de quoi de mou en arrière. Vous voyez bien qu'il est en train de défaire le crâne. C'est pour ça qu'elle se met de la glace aussi après quand elle revient. Ben oui, c'est ça. Il a défait le crâne, lui-là, tu sais. Mais je trouvais que Pablo aurait pas allé dans ce détail-là. Un détail, je sais pas n'importe lequel, se gratter, se... mais il se bat pas assez. Ou en tout cas, il y a quelque chose de. Il manque un petit quelque chose. Qui a été mais... dégueu, là. Mais ça fait être le personnage. Si le personnage est... Un... Excuse-moi. J'en ai pour longtemps, fait que vas-y. Non, je disais juste, ça fit un peu quand même avec le personnage qui n'est pas très battant tout le long de la série. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, il essaie même pas de se battre ou d'essayer. Il dit littéralement « tue-moi tout de suite ». Fait que déjà là, je trouvais que ça fitait. Mais le dernier épisode, ça n'arrête pas non-stop. On a tout ce qu'on aurait voulu que la série soit non-stop au complet. C'est de la folie du début jusqu'à la fin. Puis il y a plein d'idées. Fait que moi, j'étais tellement satisfait qu'il n'y a pas vraiment de moment que j'ai trouvé décevant ou pas assez fou. Là. Tu vois, ben moi, dans Pablo, quand j'ai vu qu'il arrachait la face du Necronomicon puis qu'elle s'en allait sur Pablo, j'ai comme fait « Oh my God! » Ils sont en train de créer un super démon, tu sais. Parce que dans le milieu, on a quand même vu le démon que je me rappelle pas comment il s'appelle. Eligos. Tu sais qu'il y avait quand même un travail de look. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, oh, Pablo va se transformer, ça va être malade. Puis comme tu dis, Vicky, son visage devient hyper rigide, non expressif. Il fait juste faire avec sa langue. C'est à peu près le seul mais truc. Il a le dos courbé. Il a le dos courbé, tu sais. Fait que j'aurais vraiment voulu voir, tu sais, je sais pas moi, des grands, tu sais, juste des mains dégueulasses. Juste, non, il n'y avait rien. Il vomissait des bébés. La transformation n'est pas complète aussi. Ben, puis justement, aller jusqu'au bout, là, on est capable d'en prendre, tu sais. Quitte à le faire revenir d'une façon X, ils sont capables de faire ça. Go, Vicky, t'en as long à dire. Ah, oui, ben j'en ai long à dire sur un point. Faut vous me laisser le temps de développer parce que ça va un peu vraiment de A à Z là, dans toute la série. Parce que je pense que c'est quelque chose qui a peut-être été dit en pré-production ou qui a été dit sur le plateau ou un message qui s'est passé. Mais on a affaire à quelqu'un qui vit un choc post-traumatique énorme, OK? Ash, là, on dit qu'il est différent, mais il est différent parce que c'est par petits indices, par petits moments, on nous montre que ce gars-là, il va pas bien dans sa tête. Puis là, on nous dit qu'il arrête pas de déménager. À maintenant, on voit une carte interactive qui a fait plein de truck stops puis qui a pas arrêté de déménager. Ce gars-là, il est pas capable de rentrer en interaction avec les gens. Il est pas capable d'avoir des amis. Il est pas capable d'avoir une relation durable. Il est pas capable d'aimer les autres. Il aime pas sa job puis il se fait chier à sa job, mais il la garde parce que c'est la seule sécurité qu'il peut avoir. Mais tu sais, comme, il aime bien une ville en Floride parce qu'il pense que c'est là qu'il était censé aller. Après aller dans la cabane, dans les bois, il devait aller dans cette ville-là avec sa blonde, ça n'a pas eu lieu. Puis il a accroché à ça. À la fin, le dernier ou l'avant-dernier épisode ou au début du dernier, il dit « Tuez-moi qu'on en finisse ». Ce gars-là est vraiment en choc post-traumatique des films. Incroyable. Est-ce que c'est un filon mal exploité? Oui, sauf si on ne voulait pas l'exploiter, sauf si on s'était dit « On va le garder dans l'équipe ». Mais je trouve que les indices sont là, puis moi, personnellement, en tant que spectateur, je les ai vus, fait que j'en aurais pris plus, peut-être un peu plus exploité dans la saison 2, si les jeunes, ils disent non, on y retourne, puis lui, il veut pas y retourner parce qu'il est dans son paradis, même s'il veut pas voir que c'est pas le paradis, parce que il est en choc post-traumatique. Je le répète, ce gars-là ne va pas bien dans sa tête, OK? C'est « j'ai pas d'argent, on va fourrer pour régler le problème ». Oui, OK, ça fait vieux mon oncle con, mais ça fait quelqu'un qui est carrément décalé des réalités, décalé des relations. La fille, elle dit, mon chum, il est en arrière du bord. Puis il fait comme, ouais, OK, ben, je l'invite pas, lui. Tu sais, comme si c'était comme les relations personnelles n'ont pas d'effet dans l'univers de Bruce Campbell. Pourquoi? Parce qu'il est pas capable, puis il conçoit pas, puis il est plus capable, tu sais. Fait que moi, je trouve ça quand même vraiment important, puis ça donne une épaisseur au personnage. Ça donne une épaisseur au personnage parce que je veux y accorder. Parce que j'ai l'impression que ça a été dit, parce que j'ai l'impression qu'ils ont dit on va le saupoudrer ici et là, mais que peut-être à un moment donné, en le déléguant à d'autres réalisateurs, ils ont eu peur d'exploiter ça. Ils ont eu peur d'en mettre davantage, ils ont eu peur d'aller dans cette direction-là. Mais je pense qu'au niveau du scénario probablement approuvé de A à Z par Sam Raimi avant qu'il soit réalisé, je pense qu'au niveau du scénario, il y avait vraiment ça. Il y avait un H perdu avec lui-même, un H qui sait pas quoi faire, un H que oui, c'est de sa faute s'il se retrouve dans merde, fine, mais on dirait que c'était voulu, tu sais, à un moment donné, on dirait qu'il a fait comme Moutou, je suis capable d'en faire de la magie. C'est de même qu'il lit, là. Il lit le Necronomicon pour prouver que lui tout il est capable de lire des langues étrangères puis qu'il est meilleur que les autres. Mais tu sais, si c'est pas quelqu'un qui fait un appel au secours puis quasiment un suicide, tu sais, c'est quasiment un suicide de sa part de le faire. Puis en plus, Tamané, il dit, c'est où tu le caches? Il le cache en dessous d'une banquette, le livre. Tu sais, il y a zéro sécurité par rapport à ce livre-là. Le livre, il est à terre dans la cabane, puis il tranche des membres, puis il y a plein de sang qui arrive sur le livre, il s'en rend même pas compte. Oui, c'est peut-être un épais, mais vous regardez les premiers films, c'est pas un épais. Fait que moi, je pense qu'il est juste cœuré, il est juste plus capable, il veut pas avoir des relations avec les gens, puis il est tout le temps pogné pour en avoir. À la fin du... Kelly, elle dit, ouais, tu vas me protéger, mais faut que tu protèges la petite blonde aussi, puis il dit, ouais, bon, ok, là, la petite blonde aussi, mais va-t'en pas trop loin, parce que je te protégerai pas longtemps. Mais tiens-toi pas, Kelly. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que, oui, c'est un trou de cul, mais c'est un trou de cul comme bien des gens qui ont vécu tout ce qu'il a vécu pourraient agir. Fait que je le défends, mais peut-être qu'il est pas assez... C'est pas assez mis en perspective. Vas-y. Je suis 100% d'accord avec toi, Vicky. Puis je pense aussi qu'ils l'ont hinté de temps en temps, qu'ils ont mis des petits indices par-ci et là. Puis tu vois, le moment où on se retrouve dans la tête de Ash aurait été un moment parfait pour nous faire vivre à quel point que dans la tête de Ash, c'est un mess total. Tu sais, là, de le voir voir du monde, puis que le monde se transforme, puis de le voir Pablo mourir, de le voir Kelly mourir, tu sais, de s'imaginer que non, je ne me rattacherai plus à eux autres, tu sais, puis ouais. Je pense que ça aurait été là, la meilleure façon de nous montrer à quel point que Ash est complètement pété dans la tête, puis ça a été mal exploité. Puis tu vois... Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis parce qu'ils l'ont mal exploité, j'ai de la misère à leur accorder à 100% cette interprétation-là de Ash. T'sais? Puis peut-être que dans le scénario, dans les notes, ou en tout cas, t'sais, pas entre les lignes de dialogue, il y avait des détails que des réalisateurs mal... pas mal intentionné, mais... Mal équipé, mal parti. Ouais, puis tu sais, puis qui ont à réaliser seulement un épisode, peut-être oublient de mettre l'accent là-dessus, tu sais, puis que ça s'est perdu en cours de production. Parce que ça pourrait être vraiment génial de nous montrer que c'est ça qui se passe avec Ash, là, parce que... Parce qu'elle réfléchissait à Ash n'étant pas comme un trou de cul, mais quelqu'un qui est en post-traumatique, choc, qui sait pas... Ben, sa réaction finale est totalement normale. Ouais, oui. De sa réaction, puis comment il agit à la fin, puis le fait qu'il accepte de partir à Jacksonville en mettant JCDC et la façon la plus logique d'agir dans un cas comme ça. Oui, tu vois, il était à ça de pouvoir nous le faire passer, là, 100%, puis ils ont juste tombé à côté. Ils ont divergé un peu trop. Ça aurait pu donner un épisode de milieu de série vraiment intéressant, où on aurait fait comme... OK, c'est drôle, mais oh, OK, c'est plus lourd qu'on pensait. T'sais. C'est vrai. T'sais, dans des films ou dans des séries d'humour, ou que souvent même tu joues avec de l'humour noir, ça arrive des fois de te faire ça, de te faire comme ah, tu ris, mais regarde, c'est même pas si drôle que ça finalement. Puis il t'arrive avec quelque chose d'en face pour que tu fasses comme ah, OK, oh shit, non, OK, non, c'est pire que je pensais, c'est grave. Ouais, j'aurais pas dû rire de ce gars-là. Puis ouais, c'est vrai. Ça fait bien du sens, tout ça. Ouais. Puis je suis en train de me demander s'ils sont pas en train de construire le personnage de Kelly pour devenir la successeur de Ash, parce qu'à la fin de la série, elle est quasiment aussi badass que lui, puis elle fait des one-liners avec lui tout à coup. Elle continue ses one-liners. Puis ça pourrait faire un peu comme... Enfin, encore là, je fais un parallèle avec The Force Awakens. Elle pourrait être la Rey à son Han Solo à lui, là, qui est aussi badass que lui éventuellement. T'sais. Parce que Pablo, il est pas comme ça. Là, elle qui est plus forte que Pablo. Son propre lance-flamme faite maison et des trucs comme ça. Elle est bien contente à la fin de son lance-flamme improvisé. C'est elle qui va régler pas régler le problème, mais qui va en tout cas s'organiser. Agir là, pour brûler la maison puis tout. Qu'est-ce que vous avez pensé du personnage de Lucy Lawless? Intéressante, mystérieuse. Peut-être pas exploitée aussi à fond que j'aurais voulu, mais. Garrochée? Oui, garrochée à la fin. À la fin, trop... Je sais pas quoi croire dans ce qu'elle dit, parce qu'elle dit que c'est la sœur de Annie dans le deuxième film. C'est-tu vraiment vrai? Parce que tout ce qu'elle dit à la fin... Ouais, c'est ça, c'est elle c'est qui a écrit le livre, fait que dans le fond, c'est une tactique, dans le fond, c'était pas. C'est une de ceux qui ont écrit le Necronomicon, supposément. Puis là, tu te dis, OK. Puis là, à un moment donné, elle parle avec un démon, puis il y a un démon qui fait « Ah, t'es une traîtresse. » Ouais. Là, pourquoi est-ce qu'elle veut... Qu'est-ce qu'elle veut faire? T'sais, on comprend pas tout à fait ses intentions. Je pense que c'était la seule qui avait pas compris. Non, c'est... En plus, je comprends pas. Elle veut les réveiller, mais j'ai comme l'impression qu'elle veut pas juste semer le chaos sur la planète. T'sais. Je sais pas. Avez-vous ce feeling-là? C'est pas clair. Ben moi, c'est parce que j'ai eu l'impression qu'il y a eu un changement au niveau du personnage à partir de quand elle se fait amener à l'enfer dans le feu avec le squelette. J'ai comme l'impression que peut-être qu'elle a été possédée puis qu'avant ça, c'était réellement la sœur de l'autre fille. Ah, peut-être, peut-être. Parce qu'à partir de quand elle sort des cendres, elle a l'air transformée, complètement nue. Puis elle a des pouvoirs. Elle a des pouvoirs, elle a l'air complètement différente. Ah, fait, ça d'après fait moi, du sens, ça. C'est pas la même personne. Ok, donc une vraie chasseuse qui. Ouais. Ah, ça ferait. Ah, ben ouais, ça serait mon explication, je l'accorde. Là, c'est si plus ça, Ruby, là, c'est vraiment un démon. Là. C'est un Old One qui l'a pris. Ouais. Ah, ça serait pas fou. Ouais. Tu sais, dans le fond, c'est que c'est une genre de H, elle aussi, qui chasse, puis qui en a juste assez que H soit le dommage de l'affaire, puis ça devrait pas être lui qui est en. Ben, qui réussit en faisant beaucoup de dommages en même temps, c'est ça, on s'entend. Fait que, tu sais, dans le fond, ce serait comme de dire quand quelqu'un de normal meurt, ça devient un petit deadite, là, mais quand quelqu'un de vraiment plus puissant meurt, ben, c'est un démon plus puissant qui prend sa place. Ouais, peut-être. Ouais. Mais il est allé dans le feu sacré et tout, fait que. Ouais. Il y a un point dans un épisode que je me questionnais parce que je me disais ça fit pas avec Ash. Sauf qu'avec ce que Vicky vient de dire tantôt, ça fit peut-être. C'est dans le troisième épisode quand il appelle un démon pour avoir une réponse. C'est comme avec tout ce qu'il a vécu dans les trois derniers films. Ouais. Pourquoi tu fais ça, tu sais? Ah, il y a une envie de mourir, il y a une envie de suicide, là, moi je trouve ce gars-là. Là. Sur le coup, je me disais ça. C'est drôle sur le moment, ça fait un épisode drôle et tout ça, il est intéressant, puis avec un démon qui est cool, puis tout. Mais je trouvais que ça fitait pas que lui, mais en même temps, avec ce que tu dis maintenant, ça a pas mais même Pablo, là. Dit, à ce moment-là, même Pablo, il fait cette remarque-là. Fait que oui. Tu vois que ça. Il y a de quoi, là, peut-être. Ce que Vicky disait, ça faisait du sens. Puis tu sais, je veux dire, il dit brisez pas le cercle. Ah, ok, je vais juste me mettre on the edge. Ouais, c'est ça. Non, même, mets-toi à 3 mètres du cercle, il va t'entendre, le démon. Il va te capter. Ah, il se met vraiment face à face. Là, bon, à un moment donné, c'est pour aller le narguer là, qui se rapproche. Là. Ouais, mais nargue-le quand même à 2 mètres. une distance de bras, puis après ça, tu nargues. Mais tu comprends, moi, j'ai vraiment l'impression que ce gars-là a des intentions suicidaires qui sont cachées. Vraiment comme un... Je suis pas psychologue, fuck all, j'ai pas d'études là-dedans, là. Je fais juste écouter beaucoup de films. Mais quelqu'un que, tu sais, qui est dépressif à l'os, qui est suicidaire, puis qui est encore embarqué dans cette merde-là, qui se dit, oh, anyway, moi crevé, je suis tanné. Je vais faire toutes les pignaiseries que je peux faire si je pense que ça peut aider. Sans réfléchir que c'est la pire idée au monde. Ouais. C'est la pire idée au monde de lire il essaie de régler le problème, il fait des efforts, il se bat. Ouais, mais comme s'il était forcé de le faire, là, comme si, genre, okay, regarde, il faut que je le fasse, là. Ouais, c'est sûr qu'il était acculé au pied du mur, là. Ouais, il n'a comme pas le choix. Mais c'est comme si, c'est comme si, dans le fond, n'importe qui d'autre pourrait le faire. Peut-être à la fin, là, il donne tout à Lucy Lawless, là. C'est comme, regarde, ouais. Allez, moi, je m'en vais. Je me suis dit, à un moment donné, vers l'avant-dernier épisode, je pense, quand il y a son double, puis les deux, Pablo puis Kelly vont tirer sur le double, je me suis dit, il aurait pu faire de quoi être cool avec ça, je sais pas quoi exactement, mais tu sais, pas tuer Ash, mais tu sais, nous mettre vraiment dans le doute, ils ont-tu tué le bon? Parce que c'était vraiment très arbitraire leur décision, puis moi, j'étais pas convaincu, sur le coup, avec la... Même avec les paroles de Ash. Moi, j'étais 100% convaincu. Leur raison était boboche, je trouvais. J'étais comme, ça sonne vraiment comme toi. C'est comme, non, pas nécessairement. Vous auriez pu vraiment vous tromper, là. Vous le connaissez, oui, vous le connaissez en tant que collègue, là, mais personnellement, vous le connaissez pas depuis tant que ça, là, tu sais. Non, il côtoie dans le char depuis quoi, une journée, deux journées, max, tu sais. Ouais, moi, tout, j'ai trouvé que... mais l'inverse aussi. Ouais. Mais juste dans la manière qu'il parlait. L'inverse, c'est ça. Ouais, mais le démon aurait pu mentir, aurait pu sonner comme lui, tu sais, je sais pas. Ouais. Tu sais, c'est comme sa raison, c'est t'aimerais mieux, genre, te sacrifier que. En tout cas, pis tu sais, j'étais comme, ben non, c'est le contraire. Moi, dans la manière que je connais Ash, j'aimerais mieux, comme, surtout pas crever. Ben, c'est ça, je te dis, il y a des intentions suicidaires, mais pas. Tu sais, pas affirmé. Non, il est, ouais, c'est ça. Fait que je trouvais qu'au contraire, moi, j'aurais probablement tué le vrai Ash. Tu sais, puis eux autres, ils s'en vont dire, ouais, mais c'est parce que tu prends tout le temps le chemin facile, tu sais. Tu sais, you're choosing the easy way out, tu sais, en disant, ah, tous les deux, tous les deux. Puis là, j'étais comme, à quel moment dans la série où ce que Ash lui a montré le easy way out, tu sais, il a jamais été comme ben ça. Là, avec t'sais. Le démon, c'est un easy, stupid way out, là. C'était stupid way out, mais c'était pas le easy, tu sais. Ouais, mais sauf qu'à ce moment-là, l'épisode d'avant, tu vois Ash qui prend la décision d'y aller seul parce qu'il veut pas qu'il arrive de quoi à Pablo puis à Kelly puis à Jill, à Amanda, qu'on n'a pas beaucoup parlé, parce qu'il aime beaucoup maintenant ces trois personnages-là, il s'est attaché, puis il y a une évolution au courant de toute la série comme quoi Ash, finalement, ben, il peut pas agir seul, il a besoin d'une équipe, ils sont là pour l'aider, puis il s'en est rendu compte. Puis à un moment donné, tu vois qu'il y a un attachement envers ces personnages-là, puis au moment où il arrive cette scène-là, mais il a déjà perdu Amanda qui vient de mourir, puis ça semble y avoir fait quand même beaucoup de quoi. Puis là, il veut juste vraiment pas perdre Kelly puis Pablo en prenant une chance de pas tuer le bon. Fait que tant qu'à faire tuer les deux, au moins, je vais être certain que Kelly et Pablo ne seront pas tués par mon double. T'sais. Mais en même temps, ça, c'est un défaut de la série parce que c'est trop court. On n'a pas le temps de tout développer ça. Fait que le moment qu'Amanda meurt, j'ai eu de la misère à sentir de la tristesse de Ash parce que leur relation se développe beaucoup trop vite. C'était de l'épisode d'avant. L'épisode d'avant, ils sont déjà quasiment prêts à fourrer, puis j'y croyais pas parce que c'était trop rapide. Puis ça, ben, y a une règle d'or en télévision, si deux personnages font des plans, t'es sûr qu'il y en a un des deux qui va mourir, ou les deux vont mourir. Là, ils ont fait le plan de se retrouver sexuellement plus tard, ils ont fait un rain check, ok, c'est beau. C'est parce qu'ils étaient sur le bord de fourrer là, quand ils ont été libérés du tunnel. Mm-hmm. Fait, ils ont dit, on se reprend, ouais, on va se reprendre. Fait, à ce moment-là, c'est comme, ok, c'est sûr que ça marchera pas. Ils sont en train de développer quelque chose de romantique, ça me surprendrait. Ouais. Sauf que j'ai pas pensé pareil, ça m'a quand même surpris qu'elle meure sur le coup. Là. Je m'attendais pas. Non, moi, ça m'a pas surpris ce moment-là. Puis tu vois, moi, l'idée des doubles, j'en aurais fait un épisode au complet. Ouais. Tu sais, un épisode de quiproquo, puis un épisode de. Ça prend un bout avec Sash qui est un double. Puis, tu sais, amusez-vous, là. T'as Bruce Campbell qui peut jouer versus Bruce Campbell. Moi, double de Bruce Campbell. T'sais, il a fait amusez-vous. Avec des dizaines de lui dans Army of Darkness. Puis, C'est peut-être ça aussi. Vous voulez peut-être pas étirer encore la sauce vu qu'on a eu beaucoup de ça avec Army of Darkness. On a eu là, des dizaines de lui-même tout petit. Puis on a eu son double Evil dans Army of Darkness. Puis le manque de temps aussi. Tu sais, je veux dire, il reste trois épisodes. Puis les trois épisodes se passent dans la cabane. Puis il faut qu'il en arrive pas mal de choses dans la cabane. Fait que tu sais, un épisode complet juste avec le double de Ash, je sais pas, on perd quand même déjà du temps. Là. Façon de parler, ouais, là, je dis pas que j'aimerais pas ça. Il arrive beaucoup ça, de choses, on s'entend que les deux touristes, ils servent à rien, les je sais pas ce qu'ils font, là, les gars. Ben, ils servent comme les touristes dans Evil Dead 2, ils sont là pour... Non, ouais, je sais, ça je sais. Il y a trois Australiens, ouais. Ouais, c'est ça, mais j'avais compris, là. Elle sert à fucking rien, c'est ça qui... Mais il y a juste le petit bout de drôle qu'on a parlé tantôt quand Ash, il dit, puis Kelly, puis toi, Other Girl, ça me fait rire, je comme... Oh, moi, tout. Elle sert tellement à rien qu'il sait même pas son nom, puis là, Kelly, elle sait son nom, mais elle sait pas son nom. Mais Kelly, elle sait pas d'où elle vient, elle dit, tu vas être la meilleure hygiéniste dentaire de l'Angleterre, ou en tout cas, d'où ce que tu viens. Puis en tout cas, ça me fait rire. C'est comme de dire, ok, on le sait que t'es... on sait que tu vas mourir, tu sais, tu vas mourir, fait que regarde... Mais elle fait juste crier, puis elle sert à rien, en tout cas, c'est... Puis lui aussi, dit, vraiment, fallait que tu cries. J'ai tellement aimé ça. Le bout de l'aime puis de la milice... Vous avez pensé de quoi de cet épisode-là? Len et la milice. Lem, son ami. Ouais. Ah, tu vois, ça c'est un épisode qui était vraiment de trop, là. Ben, c'est ça, je disais qu'il y avait trois épisodes qui étaient ralentissaient la série, puis celle-là en faisait partie. Ouais, parce ça, c'était du padding, ça. Ouais. Et, son ami en bobette tapée, il fait peur, par exemple. Oui. Ben oui, c'est vrai. Oui, le tunnel, là. Il est vraiment impérant. Ça, c'est je mangeais et j'ai fait... C'était une occasion, ça, de faire... J'aurais dû pas manger en écoutant. Il est vraiment dégueulasse, celui-là. Là. Mal exploité, cette scène-là, parce que les décors puis le démon sont vraiment réussis, puis il y avait de quoi faire de quoi de mais étant donné stressant. qu'on revient tout le temps à Pablo puis Kelly, on n'est jamais capable de vraiment s'investir dans cette suspense-là. C'est tout le temps quand on en revient, puis sur quelque part d'autre... Vous avez tout à fait raison, puis... parce que moi, c'est le contraire. Ça m'a soulagé, vu que je mangeais. Mais ça aurait pas pu, tu sais. T'aurais pas dû, j'aurais dû comme arrêter puis écouter la scène, mais à chaque fois, au moins, je suis comme, oh, je vais pas manger finalement, tu sais. Mais c'est vrai, ça veut dire qu'il y a vraiment eu des pauses parce que Si je l'avais vu de façon positive, alors que c'est pas un bon point. N'empêche que dans cet épisode-là, une chance qu'on voit Kelly et Pablo, parce que c'est eux qui offrent la meilleure scène à, lorsque Kelly utilise pour la première fois la mitraillette, puis qu'elle fait juste mitrailler le Daylight non-stop. Là. Oui, c'est utilisé intelligemment parce que la mitraillette est dure à manipuler, fait qu'elle recule, puis tu sais, elle a de la misère. Parlant de ces deux-là, je chaud d'un épisode à l'autre, là, mais l'épisode justement de l'oncle à Pablo, où ce que Kelly possédait séduit Pablo. Ça, j'ai aimé ça, cette petite scène-là. Moi, j'ai vraiment adoré ce moment-là parce que les deux acteurs sont géniaux ensemble, sont écœurants. Puis ce petit moment-là, ce petit 5 minutes-là, j'ai vraiment beaucoup aimé avec la carabine puis tout. Là, c'était très bon parce que le suspense de la carabine était cool, même si tu te doutes bien que ça n'arrivera pas. Mais j'ai aimé le Pablo qui fait comme, même si elle est vraiment open, puis elle fait comme, ah ouais, on va fourrer, tu vois. Il est comme, ouais, ok, toi, ben, ouais, c'est fou, ok, on va le faire. Ils sont tellement cute ensemble, toi. Ouais, c'est ça. On reprend ça comme, après ce moment-là, là, c'est comme plus établi que c'est pas juste, ça vient pas juste de Pablo. Parce que, tu sais, après, quand la blonde, qu'on connaît pas son nom, puis on sait pas trop d'où ce qu'elle vient, elle croise Pablo, puis c'est comme, non, mais il y a une blonde. Puis elle dit, j'avais une blonde. Ouais, mais pas assez bien pour toi. Non, mais c'est quoi, là, tu sais? Fait que tu vois que ça s'en vient, elle aussi, là, elle prend de moins en moins pour un petit frère, là. Exactement. C'est cool. Mais, puis la policière, vous en avez pensé quoi? Son personnage, en gros? Il était tout le temps là. Ouais, très, très, très inutile. Puis tant qu'à en faire un love interest pour Ash, amenez-le rapidement, là. Parce qu'il arrivait tellement trop tard que quand ça, elle crevait, ben tu fais comme, ah oh oui, elle est morte, coudon, tu sais. Puis t'as comme de la misère à croire que Ash s'est vraiment attaché à elle, tu sais. Je pensais qu'elle ferait plus enquête, puis qu'elle découvrait plus d'affaires par elle-même, puis tout, tu sais. J'étais déçu qu'elle meure, parce que je l'aurais pris plus, et non pas plus de elle avec Ash, mais juste comme, c'était juste ça, ok, oh, c'est plate, je t'aimais bien, je pensais que pourrait m'amener plus loin. Parce qu'au début, tu sais, c'était comme cool qu'elle le poursuive. C'est ça. Mais Lucy Lawless, c'est comme arrivé, puis elle a fait « Tasse-toi, toi! » Oui. À cette heure, t'es rendu en arrière de moi, puis tu me suis. Fait que là... Puis l'attirance de Lucy Lawless envers elle, ça n'a pas été exploité bien non plus. C'est comme elle touche la joue, puis c'est tout, tu sais. Fait que, tu sais, j'étais comme « Ah, ben là, ce personnage-là devient hyper secondaire quand t'es avec Lucy Lawless. » Puis quand elle arrive avec Ash, tout d'un coup, elle devient comme « de le gars que j'ai poursuivi tout le long, puis qui m'a envoyé des calls gras, là, je suis follement amoureuse de lui, tu sais. Assez easy comme retournement, là, tu sais, ça revient de même. C'est trop facile, là. Ces deux personnages-là, Amanda puis Ruby, c'est ça le problème, c'est la durée des épisodes qui empêche de les développer correctement, contrairement à Pablo, Kelly puis Ash qui sont tout le temps là, fait que ça a été ça, le... Ouais, tu vois, ils se sont tirés dans le pied en faisant ça. Elle avait pas d'affaire à être là. C'était inutile, même dans l'idée d'amener quelqu'un que Ash aime qui va mourir. Non, peut-être pas. Là. Je sais pas. Là. À la limite, j'aurais fait en sorte que sa blonde qui est dans le shed revienne d'une façon ou d'une autre. Là. Oui. Ça aurait été peut-être même plus cool. Là. C'est cool, ils ont pris une actrice quand même qui ressemble pas mal à l'actrice du 2. Ouais, c'était ça jurait pas. Ouais, parce que tu sens que ça va arriver, tu sais. Oui. Tu fais comme, ouais, c'est sûr, c'est certain qu'on va y voir la tête pour vrai. Puis je sais, ça va-tu être crédible? Quand t'es apparu, j'ai fait. Oh. On dirait que c'est elle. Ouais. Je respecte bien ça. Ça a pris 2 secondes, puis j'étais déjà embarqué sur le fait que c'était elle. Puis là, je saute encore d'un point à l'autre, mais la petite Laurie, la petite poupée. Elle est fun, je trouve. Cette scène, on en a parlé un peu tantôt, mais cette scène-là est vraiment cool. Puis c'est quand même relativement bien fait, même si c'est fait par ordinateur. Là. Tu vois, moi, ça m'a tanné. Ça t'a tanné, toi? Moi, ça m'a tanné. À cause de cette scène de CGI-là avec une poupée, j'ai comme fait... Non, pas une poupée. T'sais, je veux voir des démons. Parce qu'en plus, à ce moment-là, on n'est pas encore arrivé dans son... dans son campeur avec le boomstick puis la chain de ça. Fait que là, la poupée, j'étais comme... Non, c'est pas ce genre de scène-là que je vais avoir. Si c'est arrivé peut-être dans 2-3 épisodes après, j'aurais su qu'on allait avoir notre bon vieux Ash. Fait que je pense que je l'aurais plus apprécié à ce moment-là. Probablement que dans une deuxième réécoute de la saison, là, je vais vraiment l'apprécier pour ce qu'elle est, mais à ce moment-là, je voyais du CGI, puis je voyais un Ash se battre avec une poupée, alors que c'est pas ça que je voulais voir. Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai apprécié, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis quand on l'a revu plus tard, la poupée, j'ai fait non, non, non, mettez-moi là pas. Là. C'était une fois, c'était assez. Non, fallait pas la revoir. C'était correct, là. Ça n'a pas duré longtemps. Non, c'est ça. Ce qui me laissait perplexe au début, c'est quand j'avais vu le premier épisode, c'est de voir l'humour. L'humour très My Name is Bruce, comme vous disiez, qui avait été rajouté à la personnalité de Ash. Puis dans le premier épisode, ça marche, puis par moments, ça marche pas. Comme la scène qui va croiser Kelly un peu au bord, je trouve que la scène, elle fonctionne pas en tant qu'humour. Puis les phrases quand Ash commence à essayer de croiser Kelly, qui est full jeune, puis tout. Puis ça me laissait perplexe. Puis on dirait qu'au fur et à mesure que les épisodes avancent, surtout à l'épisode 2, que je trouve que pratiquement toutes les répliques puis les situations d'humour font mouche, là, c'est vraiment un des meilleurs épisodes en termes d'humour, je trouve, la deuxième. Je trouve qu'on finit par s'habituer à ce nouveau mélange-là de Ash et My Name is Bruce. Puis on dirait que ça devient... Je sais pas, j'ai fini par plus m'attacher que ce que je m'attachais avant à Bruce Campbell. Je trouve que ça donne un côté plus humain, mais en même temps plus cabochon, comme disait Vicky, à cause qu'il fait très vieux mononcle. Mais sa plupart de ses répliques sont vraiment drôles. Là, il en sort des vraiment bonnes. Il y a une, en tout cas, moi je suis d'accord avec lui, il y a une des meilleures. Il y a la meilleure critique de Godfather au monde. Là, tellement. Moi je suis pas un fan de Godfather, fait qu'il dit too long, too boring, not enough boobies. Je suis plus du genre de Twitch, moi. Puis à un moment donné, c'est tellement drôle. Le démon est comme, il dit qu'est-ce qu'elle veut. Puis lui, il est comme, mais gars, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Moi, je voulais fourrer Ginger dans l'île de Gilligan. Oui. Puis c'est jamais arrivé. Là. c'est vraiment là. Ouais, non, il veut Marianne. Marianne. Il veut Marianne parce que moi, j'avais fait comme, oh là, toi, tu connais ton affaire, c'est Marianne. non, c'est ça. C'était vraiment hot. Je pense que c'est vraiment un des plus drôles. Pablo aussi a quelques-unes des meilleures répliques. Là. J'en ai pas vite en tête, là. J'essaie de me rappeler. Ah, c'est comme il y a le pendentif de son oncle qui dit soit que mon oncle essaie de me dire de quoi, ou de me brûler la main parce que c'est fucking hot. Là. Oui. Moi, c'est quand on revient à l'épisode, on disait, on a depuis tantôt, là, l'épisode de l'oncle qui est coupé en deux. Puis là, on revient à l'épisode de la semaine suivante, tu sais. Puis là, il y a comme une tête desséchée. Puis là, il fait comme, ouais, ça, c'est mon autre oncle. Chris, on aurait dû le voir avant, lui, voyons. Il y a une grosse tête desséchée morte en plein milieu de la pièce. Ah, mais on l'a pas vu avant, lui. Qu'est-ce que vous avez pensé de la fumée? Ah non, ça, c'est un gros turn-off. Je voulais pas dire ça. C'est une des raisons pour laquelle j'aimais pas cet épisode 4-là. La caméra qui avance dans Evil Dead, c'est un classique. Je veux pas voir, à part la grosse tête qu'on voit arriver dans le deuxième film. C'est correct, ça. À la fin du 2, c'est tout. C'est tout ce que je veux voir. Pas de la fumée, CGI, genre verdâtre un peu, je sais pas trop. Qui arrête parce que là, le terrain de l'oncle est protégé, mais que après ça, ils finissent par saquer le camp, puis... Ouais. Tu sais, elle est plus là. C'est comment... C'est trop facile. Elle arrête, mais on aurait pu le faire juste de caméra. Ou même, on voit pas que c'est un nuage. Puis quand elle arrête, ça fait de la poussière ou un nuage. Là, ça aurait été intéressant. Des fois, ça arrête. Dans les films, ça arrête, puis ça recule, ça repart, tu sais, puis... Ouais. Non, ça, c'est un détail qui n'était pas nécessaire. De donner une forme, de dire que c'est un nuage, je fais ah. Ah, moi, tout, j'étais déçu. Non. T'as pas le budget pour donner une forme, fais-le pas. Ah, mais forme ou pas, faut pas que tu le saches, tu sais. Parce que dans le premier film, là, t'as l'avance dans la forêt, puis à un moment donné, t'as une des actrices qui regarde par la fenêtre voir. Elle voit-tu quelque chose? Elle peut pas voir un nuage de fumée qui recule, c'est pas ça. Non, c'est ça. Ça peut pas être ça, tu sais. Ça peut pas être la grosse tache brunante qu'on a vue. Non, c'est ça. Ça fait pas de sens. Quand tu le vois, ça, là, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui fait comme « Oh, cool! C'est un gros nuage de fumée! » Tu sais? J'ai attendu 30 ans pour savoir c'était quoi. Non, mais on le voit dans le 2, de toute façon. Non, c'est ça, tu sais. Mais, tu sais, c'est une série télé, je peux comprendre qu'ils ont besoin, ils sentent le besoin d'expliquer des affaires, des fois. Je trouve que dans la série, ils ont quand même réussi à rajouter des trucs à la mythologie sans trop en rajouter, puis sans trop dénaturer Evil Dead. Je veux dire, ils ont rajouté Lucy Lawless, ils donnent beaucoup d'importance à la dague, le Kandarian. Elle était dans le premier film, ça, je sais, mais tu sais... Pas trop utilisé. Mais tu sais, ils donnent ils rajoutent un petit peu plus à la mythologie sans trop en faire. Mais là, ça, c'était pas nécessaire de rajouter ce détail-là, tu sais, la fumée. Yes. Puis on n'a pas vraiment mentionné, mais Evil Dead, c'est aussi du gore, parce que si ici on mélange l'humour un peu de Army of Darkness, on mélange aussi avec la violence des deux premiers Evil Dead. La scène avec leur patron dans le char, c'est trop drôle. La bouteille de bière, là, tu sais, puis... La mère qui se fait scier à Chainsaw en deux, là. C'est la première fois qu'on voit Ash utiliser réellement sa Chainsaw sur quelqu'un. C'est vraiment hot, là. Oui. C'est quel personnage aussi à la fin qui est sur le bout de sa chainsaw? C'est-tu la... C'est Amanda. C'est Amanda. La policière, oui. Qui est comme sa chainsaw de même, là, c'est vraiment dégueulasse. Puis là, t'as la petite blonde inconnue qui crie sa vie, puis t'as la Amanda qui a sa chainsaw, puis qui shake sa vie. T'es là, oh my god, c'est drôle. Puis t'as une des scènes avec Kelly dans le restaurant qu'elle utilise un slicer pour slicer le visage du démon. C'est badass avec... Un de mes favoris, je pense, c'est dans le dernier épisode, lorsqu'on a une espèce d'enfant de démon qui se promène un peu partout. Puis Ash va littéralement y rentrer son shotgun dans la bouche, le lever dans les airs, puis le faire exploser, puis la tête va rester après le shotgun. J'étais comme, aïe, c'est du bonbon. Ce qui me fait triste, c'est quand tu mets ses doigts dans les yeux, c'est comme il ressort. Oui, moi, ça va tellement écœurer, ça. C'était très drôle. Le kid, l'ado qui tue dans le restaurant avec le ventilateur. Oh oui. Oui. C'est très sacrament, ça. Ben, les deux petits jeunes aussi, avec le patin dans la tête. Puis oui. Tout. Ah, celui-là, mon Ah, c'est pas triste, moi je criais de joie. J'étais comme, ouais, c'est que c'est hot! Ouais, mais c'est parce que tu te dis, yes, ils ont tué des ados, tu sais. Ben ça, oui, c'est ça. Ça se fait plus, puis c'est hot. Là. La série n'hésite pas sur les litres de sang. Là. Il y en a des tonnes. Puis à la fin, j'ai beaucoup aimé le genre de clin d'œil aux deux avec la giclée de sang à travers la porte sur Kelly, qui fait comme le sous-sol dans les films. Ça avec, c'était vraiment cool. Tu sais, il y a plein de clins d'œil, mais sans qu'on tombe juste dans le fan service. Ils ont réussi pareil à se créer une identité, puis c'est ça qui est cool avec la série. Tu vois? Oh, ils sont capables de faire des clins d'œil comme Ghostbusters 2016 n'était pas capable de le faire. Non, ça, c'était des beaux clins d'œil, des belles références, sans dur, juste faire comme Hein? C'était cool, Evil Dead, hein? C'était cool, Evil Dead. J'avais pas l'impression qu'on voulait trop m'en donner. C'était pertinent, puis ça allait de soi, ces clins d'œil-là. Ben, ils font un genre de passage du bâton, passage de la torche. Ce que les gens auraient voulu de Ghostbusters 2016, ils le font eux autres là-dedans. En passant ça, mettons, à des plus jeunes. Ils ne l'ont pas vraiment passé parce que Ash est encore là. Mais comme je disais encore avec mon Force Awakens, c'est ça aussi. C'est un passage du bâton à une plus jeune génération. C'est ce que les gens auraient voulu de Ghostbusters. Moi, je m'en foutais parce que j'ai aimé ça. Là, mais t'sais, c'est ça. Je pense que c'est ce que les gens aiment de quand tu vois une œuvre revenir après 30 ans, tu veux une continuation avec des vieux personnages. Puis... Mm-hmm. De toute façon, pour savoir qu'est-ce que Steven et Jeff pensent de Ghostbusters, écoutez, on va te faire des films. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Mais Kelly, à la fin, sous la pluie, les cheveux d'en face, ça, c'était pas un genre petit clin d'œil aussi au remake? J'avais vraiment le feeling de voir le remake à ce moment-là. Oui, c'est ça. La blonde, elle m'a donc bien marqué, ce personnage-là, de la blonde de pas de nom. J'avais 6 fois, je la cite. Mais elle m'a fait penser à la blonde qui se tranche elle-même les bras au couteau. Oui, oui. Moi, j'ai trouvé un petit casting similaire. Fait que non, j'ai trouvé qu'ils l'ont intégré, celle-là aussi, le remake, avec la pluie, la petite blondinette qui sait pas ce qui arrive puis qui crie vraiment. Tu sais, qui est out of the picture, là. Parce que dans le remake, c'est ça qui arrive, c'est qu'il y en a un qui a invité une blonde qu'elle ne connaît personne, puis elle est juste là pour paraître, puis tu sais qu'elle va crissement se faire massacrer, puis elle se fait crissement massacrer. C'est ça le personnage du remake qui ne sert vraiment à rien, puis qui n'a pas de personnalité vraiment, là, elle n'est pas développée du tout. Elle ressemble beaucoup au personnage en série. Mm. Je sais qu'ils n'ont pas fermé la porte, ils en ont parlé de temps en temps, même depuis que la série était diffusée, ils ont parlé qu'ils voulaient encore peut-être marier les deux univers, tu sais, la remake puis Ash versus Evil Dead. Avec ce Ash-là dans cinquantaine, ça fitterait-tu encore, selon vous, dans l'univers du film de choses? Là? À la base? Ouais. Non, moi, je pense que non, parce que tu serais obligé de faire un compromis entre les deux. Tu serais soit obligé de faire en sorte que le remake, qui était très, très, très violent puis qui jouait pas sur l'humour plus qu'il faut, soit obligé d'être un petit peu plus gore, le fun humoristique. Puis il faudrait que Ash devienne un petit peu plus sérieux pour que les deux puissent se rencontrer. Parce que t'as pas deux tons pareils. Et avec un personnage comme Kelly, qui est comme la plus sérieuse, ça pourrait pas faire le pont un peu entre les deux univers? En même temps, il y a trop de détails différents. Je veux dire, la cabane dans le remake, le livre, tout est différent. Ils ont déjà créé quelque chose à part. Fait que j'ai pas l'impression que ça puisse relier de manière cohérente. Si on n'avait pas eu Ash versus Evil Dead, j'aurais cru encore. Mais avec Ash versus Evil Dead, tout ce qu'on est rendu, cette histoire-là est partie. Tu sais, là, elle est décollée. Il se passe de quoi? Le Necronomicon, il s'est passé des trucs avec. Tu sais, Lucy Lawless. Non, c'est deux univers séparés. Mais le pire, c'est que il apparaît quand même à la fin du générique, puis c'est un oui. peu le canon, c'est dans le film, ah, c'est ouais. là, je veux dire, c'est en quelque sorte le même univers, même si ça l'est pas. Ils l'ont pas ben non, mais c'est encore. Juste un clé d'œil à la fin. En même temps, il apparaît pas d'une scène où il rencontre la fille, genre, un an non, plus tard. Il y avait une scène coupée où c'était le cas, là, mais... Mais... Fait que là, juste de le voir dire groovy, moi, c'était plus genre de « Hey, je suis encore là ». Puis finalement, il est encore là parce qu'on le voit dans la série. Ouais. Moi, ça me suffit comme clin d'œil. Il aurait dû vraiment, à ce moment-là, faire la séparation entre les deux puis pas mettre cette petite scène-là à la fin du remake, je pense. Je pense que c'était juste une façon de dire « Ash n'est pas disparu totalement » pour pas que quelqu'un qui finit le remake fasse « Vous avez scrappé Evil Dead! » Tu sais, comme tout le monde fait tout le temps, toutes les fois qu'il voit un remake, là, en pensant ouais. que l'original existait. Ouais, mais comme Steven avait dit pour Ghostbusters, tant qu'à mettre des caméos ratés, mais les pop en tout. C'est pas ouais. un caméo raté, mais en même temps, il n'y a pas sa place là. Ouais, mais non. C'est juste à la fête générée, fait que ça dérange moins que durant le film. Là. Ouais, donc je suis d'accord. Là. Ouais. Puis étant donné que ça ne vient pas apporter à l'histoire, puis c'est vraiment juste un clin d'œil, j'avais l'impression qu'en dessous, ça allait être écrit Evil Dead. Bruce Campbell reviendra dans une série télé. Ouais. Ça ressemble, ouais, c'est vrai, ça me faisait penser à ça. C'est ça, ça. Mais non. Je serais curieux de voir quand même un mariage entre les deux univers. Là. Ça serait bizarre. Je pense pas que ça va arriver. Je pense que c'était une idée, mais Castor. Il arrive quoi dans le livre, dans le remake? Je m'en souviens pas. Avec le livre, tu sais? Ouais. Le livre, il se fait bouffer dans le sol. Là. Ok. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça, il y a comme. Il y a comme plein de trucs qui marchent pas. Puis, j'essaie de me rappeler, est-ce que le remake se finit avec genre la fille meurt finalement ou en tout cas il arrive quelque chose? Non. Tu sais, mettons à la fin du premier, Bruce sort puis la caméra, en tout cas, il y a quelque chose qui fonce dessus. Est-ce que à la fin du remake, qui finit bien? Ben, ça finit, tu vois le livre qui rentre dans le sol. Ça fait longtemps que j'ai pas revu le remake. Ouais, mais il me semble qu'il n'y a pas une scène comme dans les autres Evil Dead où ça finit un peu à suivre de manière dramatique. Ouais. Dans ma tête, je vois une scène. Je vois la scène du. Tu dis qu'il rentre dans le sol. Là, je vois le plan du masque de Jason qui rentre dans le sol avec les gants de Freddy. C'est une économie qui rentre dans le sol avec les gants de Freddy qui viennent le poignet. On était supposé avoir ça. Ouais, non, c'est ça. Après Freddy versus Jason. C'est ça, Freddy contre Jason contre Ash. C'était supposé. Mais je pense que côté BD, il y a eu quelque chose qui a été fait du genre. Oui. Il y a eu beaucoup de pairings comme ça. Là. Ash est apparu dans plusieurs comic books. Oui. Il est apparu dans Megabug. Dans Megabug. Oui, tu as acheté le Rebo? Coffret. Cool. Ouais, Steven. Tu t'es acheté le coffret, ça. Le coffret de le Reboot. Oui. Oui, c'est vrai. Megabug. Ouais. Bon, ben, Ash est dans Megabug. Ouais, l'épisode Evil Dead que j'adore. Ouais. Je me souviens pas de celui-là. Tu revois sur YouTube, c'est un épisode entièrement Evil Dead, de Ash qui court après Bob et Enzo, puis il s'en va dans la cabane avec le Necromonicon, puis tout ça. Ah, c'est très hot, ça. Ouais, c'est vraiment cool. Cool. Fait qu'on a fait le tour, je pense, des spoilers. Ben, je pense que oui. Ça reste que... C'est à voir. C'est à voir. Je suis satisfait, puis je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec la saison 2. Puis honnêtement, moi, le quatrième film, je l'attendais plus. Tu sais, ça faisait longtemps. Et je trouve que, je le dis tout le temps, parce que je pense que c'est Jeff qui n'était pas d'accord avec moi, mais je trouve qu'on l'a eu, le Evil Dead 4 avec Drag Me to Hell. Tous les éléments qu'on veut dans Evil Dead sont présents dans Drag Me to Hell. C'est juste que c'est un personnage féminin, c'est juste ça. Puis j'étais full satisfait. Fait que moi, la série, c'est comme la série sur Goto. C'est comme, OK, ouais, j'ai un bonus avec Ash. Faut juste que je la revoie, parce qu'en 2009, je trouvais les effets spéciaux... je trouvais ça pas. Je trouvais la grand-mère, je la trouvais conne, puis en tout cas, la vieille bonne femme, là. Puis j'avais vraiment pas aimé ce film-là. Faut que je le revoie. Parce que c'est du Evil Dead tout craché. C'est Sam Raimi qui nous fait un petit cadeau, là. La scène dans sa chambre, là, qui est quand même assez freak, là. La scène de la voiture entre la fille et la grand-mère qui se bataille, là, c'est éventif. C'est ça, moi j'avais détesté ce scène-là. Un effet avec le dentier, j'étais comme, est-ce que c'est con? Voilà comme un Evil Dead, puis tu vas le voir avec un autre œil, puis tu vas l'apprécier. Parce que c'est ça, Army of Darkness, là, je veux dire, c'est des situations complètement over the top. Là. À un moment donné, la fille, elle se bat contre un mouchoir. T'sais, qui veut rentrer absolument dans sa bouche. Ouais, c'est qu'est-ce qu'on verrait Ash avec un livre ou un. Ouais, mais t'as justement, dans Army of Darkness, t'as Ash, t'as des voyages dans le temps, t'as fait de même, t'sais, j'aimais plus ça. T'sais. C'était plus. Je sais pas. C'est une question de goût aussi. C'est dans les réalistes que Drag Me to Hell, qui est comme très. Dans notre réalité. Mais il est très cartoon, Drag Me to Hell, tout le long. T'sais, je veux dire, il s'éloigne jamais là. De ce ton-là non plus. Non, mais je le reverrai. Toute la scène avec les beaux-parents. C'est génial. Mais la. toute la scène de rituel qu'on dirait que ça sort d'Evil Dead 2 avec la chèvre puis le démon qui flotte dans les airs, là, c'est, ouais, c'est du bonbon, là, sérieux. Ouais. Moi, j'adore ce film-là. Là. Ouais. Groovy. On est de retour dans notre section spoilers. Et avant de continuer avec Walking Dead, on va y aller en musique avec une suggestion de notre ami Manu Ouellet du podcast Radio Enfer 666. Et on se retrouve après. C'est un petit tête-à-tête entre moi et Vicky pour parler de Walking Dead saison 6. Donc, on tamise les lumières, on allume des chandelles, puis ça va être plein de zombies. Hey, salut, c'est Manu de Radio Enfer 666 pour présenter l'interlude musical après Evil Dead. Donc, on y va avec une chanson de Deep Purple, la chanson Space Truckin', qui figure sur l'album Machinehead sorti en 1972. Deep Purple sont des pionniers du heavy metal dans les années 70 parce que leur son était plus lourd. En même temps, c'est la chanson qui débute la série et qui colle merveilleusement bien à Ash. Donc on s'en va écouter ça maintenant. Where we are. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Alors, on est de retour avec Walking Dead saison 6, comme on disait tout à l'heure, un spécial tête-à-tête, moi et Vicky, parce que bon, ça a l'air que GF et Steven, ils ont lâché prise sur Walking Dead, eux autres. Ou Steven, je pense qu'il attendait que les DVD sortent pour les écouter. Ouais, Steven, de toute façon, c'est ça. Steven, c'est pas un accro aux séries télé, on va se le dire tout de suite. Steven, c'est un lent écouteur de séries télé. Ouais. Puis c'est... GF, je sais pas, j'aurais été curieux de savoir pourquoi il était pas aussi accro à Walking Dead. Mais bon, regarde, Walking Dead, je pense que c'est une série qui se passe de présentation. Toi, Vicky, est-ce que t'es accro depuis la première saison? T'as écouté ça sur le tard? Je pense pas que j'ai écouté ça sur le tard parce que j'ai écouté ça par hasard, tu sais, ça fait avant Popcorn Time, fait qu'on parle de un méchant bout, là, la première saison, hein, je vais regarder, je l'ai devant moi, ça date de 2010. Ouais. Fait que je dois l'avoir pas mal commencé en 2010, à l'époque où t'avais comme des sites de streaming où ils mettaient, mettons, les meilleures recommandations, puis Walking Dead était là-dedans, mais pas encore dans les top 10, fait que c'est comme dans le temps où c'était un peu obscur, que juste les fans aimaient ça, les fans de BD aussi, puis moi, ben, j'aime les trucs de zombies, puis tu sais, c'était une série de 10 épisodes, une saison. Fait que je me suis dit, bah, c'est short and sweet, ça se fait bien en deux jours. Tain, moi, je vais commencer ça. Fait que j'ai commencé Walking Dead comme ça et j'ai trippé tout de suite. Vraiment accro à Walking Dead. Et je suis une accro irréductible. Il y en a qui ont lâché au cours, il y en a qui la critiquent beaucoup sans la lâcher. Par exemple, les gars de Spoiler Alert parlent beaucoup et souvent de Walking Dead. Puis c'est super drôle parce que les gars sont accros, ils peuvent pas s'en passer, mais ils en parlent négativement à chaque épisode, puis ils rient de ça à chaque épisode, mais pourtant, ils sont accros puis ils peuvent pas s'en passer. Yes. Moi, je trouve pas ça ridicule. J'ai pas embarqué dans la mouvance encore de Walking Dead, c'est rendu ridicule. J'ai des amis qui m'en parlent de cette façon-là, mais moi, je suis encore accro. J'aime trop les personnages pour ça, j'aime trop l'histoire. Puis j'aime qu'on m'amène dans plein d'endroits puis que chaque saison évolue de façon totalement différente. Fait que moi, Walking Dead, c'est ma série numéro un. J'ai pas beaucoup de coffrets de saisons de séries télé, moi, parce que je trouve qu'à un moment donné, ça prend beaucoup de place. Fait que je n'ai quelques-uns, mais pas beaucoup. Alors, celle-là, je les ai, parce que je peux pas m'en passer. Good. Ben, tu vois, moi, j'ai commencé un peu comme toi. Je voyais ça apparaître sur les sites d'horreur puis tout ça, puis... Là, je voyais Frank Darabont, puis j'étais « Oh, wow, OK, Frank Darabont, je fais une série télé. » Bon, ben, finalement, on sait qu'il était showrunner pour la première saison. Je pense seulement la première. Je sais pas s'il a fait les autres, mais je pense qu'il a arrêté après la première. Écoute, accro immédiatement. Tout de suite après la première saison, je me suis acheté des BD. J'ai commencé à les lire. Okay. Je suis pas à jour sur les BD, mais je te dirais que d'où je suis rendu dans les BD... C'est le début de la sixième saison, à peu près, si on se fie à l'histoire, à peu près, là. Ils sont à Alexandrie, puis ils apprennent l'existence d'un groupe de méchants, puis ils se disent « OK, on va aller les détruire ». C'est là que j'étais rendu. Mais tu vois, moi, je suis pas de ceux qui critiquent Walking Dead, mais je suis de ceux qui préfèrent la BD pour certaines choses. La BD a un petit peu plus de couilles que la série, faut se le dire. Y a pas vraiment de spoilers à dire que dans la BD, Rick perd rapidement un bras. C'est quand même très cool. Mais bon, c'est sûr que pour des moyens techniques, c'est un peu difficile de commencer à enlever un bras par ordinateur à chaque épisode pour ton personnage principal. Je comprends ça, tu sais. Mais c'est ça, la BD... Il y a des endroits dans la BD où on coupait court puis qu'on était straight to the point, on perdait pas de temps, que dans la série, on est tiré ces moments-là. Fait que c'est sûr que moi, quand je suis arrivé dans la série, j'étais comme tu me perds, là, ouais, embraye. Mais tu sens que je pense que tout le monde va dire qui a lu la BD va être d'accord que c'est-tu la deuxième saison qui se passe à la ferme ou la troisième? Deuxième. Cette saison-là, dans la BD, c'est à peu près 20 pages. la saison au complet. T'sais. C'est à peu près les seuls BD moi que j'ai lus, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est que moi, c'est carrément l'inverse. J'ai essayé les BD, mais j'étais tellement rendu loin dans la série. Je devais être rendu à la 4e, si c'est pas la 5e saison. J'ai pas été capable d'embarquer dans les BD parce que c'est pas les mêmes personnages, puis c'est certains noms, mais pas la même situation. Ah. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est carrément le contraire. J'ai pas été capable d'embarquer à cause de ça. Je me dis peut-être si un jour la série finit, puis que je suis loin, je vais être capable de me détacher. Mais pour l'instant, je suis pas capable. Non, je comprends. Puis écoute, il y a eu certains trucs, là, puis que la série s'est réajustée. Première fois que Michonne est apparu dans la série, en tant que lecteur de la BD, on tripait, mais la première saison avec Michonne c'était pas la Michonne de la BD, puis tout de suite la saison d'après, tu vois qu'ils l'ont réajusté. Tu sens dans l'écriture du personnage qu'il n'est plus le même. Mais la prison aussi, c'est quelque chose qui a été tiré. Oui. Puis il y a eu beaucoup de choses avec le governor qui ont été changées. Spoiler de la BD, le governor, c'est lui qui tue. C'est-tu lui ou c'est un de ses. Je pense que c'est une des personnes avec le governor qui tue la femme et l'enfant de Rick. La petite fille, de Judith. Judith, c'est ça? Ah ouais. Ouais. Ok. La BD se finit là avec. Comment elle s'appelait, sa femme? Je me suis même pas. Je sais pas, mais je sais que l'image, on l'a vu assez souvent, là, être avec le bébé dans ses bras. Là. Ça, je l'ai vu passer souvent, cette image-là, puis elle a. Ouais, une balle dans le dos, quelque chose comme ça, ouais. Ça, je l'ai vu assez souvent. C'était quelque chose, tu sais, là, c'est ça. Tu peux pas montrer ça à la TV, là. Écoute, il aurait reçu des calls puis des lettres de plainte épouvantables. Je comprends. Mais tu sais, c'est ça, la BD, la série. Fait que, tu sais, je suis tout le temps en train de les comparer, mais là, je suis comme rendu à un moment où je les prends pour ce qu'ils sont chacun, puis j'arrête la comparaison. Ouais. Puis la sixième saison, étant donné que c'est à un moment où je suis plus dans la BD. J'écoutais la sixième saison en sachant pas du tout qu'est-ce qui se passe dans BD, donc il n'y avait aucune comparaison. Je pouvais l'apprécier pour ce qu'elle était. Mais une chance, parce que je pense que personnellement, c'est ce qui m'a le plus gossé avec la sixième saison. C'est les. Je vais être méchante, puis j'ai un ami là-dedans. Fait que je suis désolée, Sam, mais je t'envoie chier. Les hosties de fans de la BD, ils me gossaient durant la sixième saison. Ouais, mais Negan, vous savez pas, ouais, mais Negan. Peux-tu me laisser vivre ma série? Laisse-moi vivre ma saison. Je suis pas fan de BD. Je m'en contre-calisse de ce qui se passe dans BD. J'écoute une série télé. Moi, je suis de même. Quand que j'écoute un film et j'ai vu le livre, là, ben, je suis pas à côté de la personne en disant « Ouais, mais c'est de même dans le livre. Ouais, mais c'est de même. » Non! Crisse-moi patience. Puis là, c'est encore plus gossant parce que c'est une affaire d'épisode. Tu sais, un film, c'est une histoire de 2 heures. À la fin, tu peux discuter. Exact, tu discuteras pas en plein milieu. Là, c'est que tu es en plein milieu d'une saison. Oui, Minigan, oui, Mini. Hey, je m'en crisse, laisse-moi vivre ce que j'ai à vivre. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Un film, c'est plus facile d'avoir une discussion par la suite. Mais regarde, une série... Attendons la fin, tu sais, attendons la fin de la BD puis à la fin de la série complète puis on dit là avec ça. Pour l'instant, arrêtons de comparer parce que c'est clair depuis la première saison que la BD puis la série ne vont pas aux mêmes endroits tout le temps. À la fin de la première saison, toute l'histoire là, dans le tu sais le bâtiment avec le gars qui lui révèle le secret, mais il révèle le secret à Nick. Ben, il n'y a pas ça dans la BD. Ça n'existe pas, cette scène-là. Fait que, tu sais, à la fin de la première saison, quand tu as cette scène-là, tu fais comme, OK, on n'a pas ça dans la BD. Puis, Shane dans la BD meurt rapidement. Il traîne dans la série pendant 2 ou 3 saisons. Tu sais, fait qu'à un moment donné, revenons-en. Puis, en plus, c'est que le personnage de Shane, il est nécessaire au point où on en est rendu aujourd'hui. Le nombre de fois que tu peux te dire aujourd'hui, hostie, que c'est dans ta face, Rick, Shane te l'avait dit. Ouais. C'est comme c'est un personnage qui, après coup, reprend de l'importance. Puis c'est ça qui me fâche. Tu sais, je parle de Negan, mais c'est plein d'autres affaires où les gens disent « Ouais, mais dans BD, c'est ça. Ouais, mais on écoute une série télé. On peut discuter de la série télé également pour ce qu'elle est. » Puis c'est à plein de moments. Tu sais, moi, comme le personnage, un des personnages les plus badass de la saison 6 et qui l'a été pendant longtemps, c'est Carol. Puis là, Carol, elle vit plein d'affaires. Puis il y en a qui sont comme « Moi, on s'en fout de Carol. Elle est pas dans BD ou elle est pas de même. » Ouais, mais elle vit là. Okay. Vit ce qu'elle vit là. Puis qui se fout de Daryl? Il a jamais été dans BD, Daryl, là, tu sais. Pourtant, le monde est fan de Daryl. Tu sais, à un moment donné, faut lâcher prise. On peut avoir des appréciations. Puis c'est sûr, On peut pas demander à quelqu'un qui a vu la BD de se dissocier de la BD totalement. C'est impossible. Comme quand on écoute un film, qu'on a lu le livre, c'est impossible de mettre tout de côté puis d'y aller la tête libre. Mais imposez-vous pas cette lecture-là. Ou quand quelque chose est différent, posons-nous la question, est-ce que c'est cohérent avec ce que la série est en train de nous présenter? Et voilà. Si c'est pas cohérent, OK, allons critiquer puis disons, ben regarde, dans BD, ils ont fait ça puis je pense que ça aurait été mieux s'ils avaient choisi de suivre ce bout-là, tu sais. Ouais. Je parlais de l'exemple de Rick tantôt qui perd son bras. Oui, moi, j'aurais aimé ça dans la série que Rick perde son bras, mais à un moment donné, tu y penses puis tu fais comme, ben voyons donc, ça aurait été le pire casse-gueule, casse-tête épouvantable d'effets spéciaux qui aurait été terriblement tannant à l'écriture puis au visuel. À un moment donné, faut l'enlever. Sur une BD, ça paraît bien, un gars qui n'a pas un bras, tu sais, parce que tu le vois pas agir, tu le vois pas au day-to-day faire des trucs. Tu le cadres correctement. Ouais, tu sais, puis je veux dire, ouais. Mais tu sais, je veux dire, dans la BD, tu le vois pas avoir à dealer avec des trucs de tous les jours, tu sais. C'est ça. Tandis que dans la série, t'as comme pas le choix de le montrer. Fait que là, tu te ramasses avec des casse-têtes que dans la BD, tu peux mettre de côté. Fait que, à un moment donné, faut juste laisser aller. Je pense que c'est de la façon de l'apprécier cette série-là. Mais je pense que oui. Puis je pense aussi, il faut surtout pas que... Parce que là, bon, le monde qui ont lu la BD, comme je te disais, moi, je suis pas rendu à la saison 6. Où est-ce que je suis rendu dans la BD? La saison 6 commence. Puis regarde, je sais déjà théoriquement ce qui se passerait en début de 7e saison. Parce qu'il y a du monde que... Ah ben là, ça me dérange pas, je vais poster des images de la BD. Fuck you, ceux qui écoutent la série, allez tout chier. On peut-tu... Ça, c'est un point, c'est ça, que je vais aborder, puis que ce soit spoilers ou pas, ils ont éloigné de la BD, puis deux, on se plaît, nous, on est horror gamer, fait qu'on écoute des films puis des séries télé. Oui, je pense qu'il y a une portion aussi jeux vidéo, donc j'ignore beaucoup de horror gamer. Ouais, Pierre qui twitch beaucoup. Je pense que horror gamer peut s'attarder à plusieurs volets, dont la BD. Puis on peut dire, hey, cette BD-là est excellente, mais on peut aussi dire, cette série-là est excellente, puis prendre les deux entités séparées. Puis c'est ça qui est dommage, c'est que moi, j'aime pas quand les gens, fans de la BD, ou même des livres, tu sais, je prends ça en général, prendre les autres pour des incultes. Ouais. Vous aimez juste la série, c'est pas l'origine. Vous devriez, hey, j'ai pas lu la Bible, mais je peux m'intéresser au film sur Jésus. Gros exemple, là, mais tu sais, c'est pas le fun se faire tout le temps surligner le fait que on est inculte parce que on n'a pas lu l'origine, on n'a pas lu la BD. Hey, on peut-tu être inculte? Moi, j'ai accepté ça là longtemps, puis même qu'il y a quelqu'un, je te dirais, qui m'apprécie davantage ici à Sherbrooke à cause de ça. Moi, j'ai affirmé, je suis pas une fan de BD, mais je vais connaître les BD dont il y a des films de tirés. Fait que j'ai des Deadpool, j'ai Civil War, j'ai un Green Lantern. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Fait que j'en ai des Walking Dead, puis j'en ai lu des Walking Dead. Mais moi, je suis une fan de cinéma, je suis une fan de séries télé. Fait que je vais aimer les lire, mais je vais aimer la vue animée avant la BD. Puis c'est un code qui te parle plus. C'est ça, exactement, c'est un code qui me parle plus, c'est très bien dit. Fait que moi, ça me fâche quelqu'un qui m'arrive puis qui me dit « Ouais, mais on le sait qui meurt, ou on le sait qu'est-ce qui se passe, parce que moi, j'ai lu la BD. » Comme t'es pas au-dessus de moi parce que t'as lu la BD. Non, c'est ça. T'as juste lu une histoire. Moi, je vais en voir une autre. C'est tout. Ouais. J'aimerais qu'on arrête. On n'est pas meilleur qu'un autre parce qu'on s'intéressait à un art plus qu'un autre ou à un médium plus qu'un autre. Un peu comme, plus je veux pas qu'on s'attarde trop sur le sujet, mais un peu comme les gens qui se mettent à apprécier plus les remakes que les films originaux. Parce que là, tout d'un coup, quand le remake sort, les gens qui ont préféré, qui sont des fans cultes de l'original, vont se mettre à mépriser les autres parce qu'ils ont préféré le remake. Là. Exemple, je pense qu'un des bons exemples dernièrement, ça a été le remake d'Evil Dead. Là, où que on pense qu'on a tout dit tantôt qu'on avait pas mal apprécié. Ouais. Mais hey, faudrait pas le dire trop fort parce que hey, c'est un remake. C'est un remake, ça a été fait pour faire de l'argent. T'es pas un vrai connaisseur d'horreur si t'as préféré, si t'as aimé le remake. C'est ça, exactement. Tu connais pas ça, toi. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça me gosse un peu où ce que, tu sais, il faut se tirer un rang parce que j'ai lu les BD de Walking Dead, j'ai joué au jeu, puis j'écoute la série, tu sais. Ah, man, I know my shit more than you. Ouais, c'est ça. Non, man, moi, là, je me suis abonné à AMC et j'écoute Walking Dead tous les soirs. Alors que ça reprend à tous les dimanches soirs, quand ça reprend, je suis là dans mon sofa, puis j'écoute Talking Dead après. Ah, bah t'écoutes Talking Dead? Ouais, fait que moi j'écoute Walking Dead de 10 à 11, puis mon Talking Dead de 11 à minuit. Je suis abonné à AMC. On a fait le switch de Vidéotron à Bell parce que Vidéotron ferait pas AMC, puis Bell l'offrait. Ouais. Fait que tu sais, viens pas me faire chier que t'es plus un fan parce que toi tu downloads illégalement les séries, mais hey, t'as les BD. Mais tu downloads illégalement un torrent de la série à toutes les semaines, mais t'as les BD, t'es plus un fan. Dude, je suis assis tous les dimanches sur mon sofa à écouter Lost in Walking Dead, puis je l'écris tout le temps, puis je le dis, puis j'ai même dit, moi je suis partie en affaires, j'ai mon bistrot, puis j'ai même dit, je sais pas si vous savez, mais le dimanche, je suis pas sûre qu'on va finir après 10h, parce que moi j'écoute Walking Dead. Nos hey, heures de fermeture considèrent Walking Dead, fait. Une vraie. Je te pose la question, puis après ça, je pense qu'on va, on va y aller dans le vif du sujet. Fear de Walking Dead, tu as-tu écouté? Non, par manque de temps, mais okay. Il m'intéresse vraiment gros. Avant d'écouter Ash vs. Evil Dead, j'avais le temps d'écouter une série, puis j'ai fouillé sur mon Bell, mais mon Bell me donnait juste la saison 2. Ouais, il me donnait exact. Pas accès à la saison 1, sinon ouais. Je me serais claqué les deux saisons via Bell. Mais vérifie, parce que AMC font tout le temps souvent des oui, reruns. Là. C'est ça. Fait que j'attends le rerun. Dès qu'il va y avoir le rerun, je les programme, je les enregistre, puis je les réécoute. Cool. Parce que moi, il m'intéresse vraiment. Ouais, je suis curieux. J'avais entendu des mauvais commentaires au début, puis c'était à un moment où j'avais comme pas trop le temps de passer sur une série, fait que j'avais comme laissé ça de côté, puis là, j'ai comme de plus en plus vu qu'il y avait un engouement, puis que là ça m'intéresse. Je veux le suivre. Ouais. Oui, mais en fait, moi, les seules critiques que j'ai eues, c'est les gars de Spoiler Alert qui sont négatifs, mais qui aiment ça quand même, tu sais, okay. Fait que je vais les ignorer. Désolé, boys de Spoiler Alert, mais je vais vous ignorer, puis je vais l'écouter quand même. Vicky, je te demande ton appréciation générale de la saison 6, puis après ça, on passera aux spoilers. J'irai avec... C'est dur. J'irai avec un 3... Pratiquement 3.5 sur 5. Okay. Pourquoi je peux pas aller plus haut? Parce que la saison 1 est tellement forte que je trouve que Walking Dead a tombé dans le piège saison après saison de faire trop d'épisodes. Ils devraient mettre moins d'épisodes. Et je trouve qu'ils obéissent un peu trop aux fans. Twitter a une énorme influence présentement sur les séries télé, que ce soit celle-là ou Arrow. Je trouve que c'est deux séries qui souffrent du fait qu'on veut faire plaisir aux fans. Et Walking Dead est tombé dans ce piège-là à quelques reprises dans la dernière saison. Pour ces deux faits-là, je peux pas lui donner 4. Parce que c'est ça, ça laissait trop de plaire aux fans sans écouter sa ligne directrice et parce que ça devrait resserrer beaucoup, beaucoup sur des points. N'en reste pas moins que je vais l'acheter puis je vais le réécouter. Fait qu'un 3. OK. Ben écoute, moi j'y vais avec un... C'est un 3. Moi je le fais le 3.5 parce que j'ai pas songé à un certain moment à débarquer de Walking Dead, mais Walking Dead, pendant un certain moment, m'a arrêté de m'accrocher. Tandis que la sixième saison a réussi à chaque semaine à vouloir me le faire écouter. Tu sais, avant, là, j'attendais. J'étais comme, oh, on en a 4-5 à écouter, on les écoute-tu? OK, good, on va les écouter. Tandis que la sixième saison, c'était comme, OK, alors là, l'épisode, on l'écoute là. Sauf que, c'est ça, tu l'as dit, la première saison est top. Il n'y a rien dans Walking Dead qui a battu encore la première saison. La première saison, pour moi, c'est un 5. C'est comme ça qu'une série télé devrait démarrer en trombe. Puis, je trouve que la sixième saison, même si elle a des bons moments de tension, des excellents moments de tension, elle manque de couilles. J'ai trouvé qu'elle manquait de couilles à certains moments. Puis, je vais dire comme toi, elle met trop d'épisodes. Puis, elle nous fait languir sur des choses. Puis moi, j'haïs ça quand une série fait comme, oh, prochain épisode, qu'est-ce qui est arrivé à tel personnage? Puis là, tu commences le nouvel épisode. C'est un épisode flashback qui raconte Ça, tu peux pas savoir à quel point ça m'insulte. Je trouve qu'ils le font trop dans la sixième saison. Ils le font trois fois. Ouais. Puis c'est trois fois impardonnable, tu sais. Ouais, parce que c'est trois fois ce que tu veux le savoir là. Puis... Là, c'est, tu sais, oui, c'est le fun de nous garder en haleine, mais même ça, on dirait que c'est comme si ça me prouvait que t'es pas capable de créer de la tension à tous tes épisodes. Parce que, en faisant un épisode avec une grosse scène de tension, genre, est-ce que tel personnage va mourir, Puis l'épisode d'après nous met un épisode qui raconte une histoire X, Y, Z, on the side, dont on se fout. C'est sûr qu'après cet épisode-là, on va avoir encore le goût de l'écouter parce qu'on se dit, bon, ben là, c'est là qu'ils vont nous raconter ce qui se passe finalement avec notre personnage en danger. Mais... Fait que finalement, tu te rends compte que ils font durer un suspense juste parce que on dirait qu'ils n'ont rien à dire. Et voilà, parce que ça sert à qui? Tu te dis, ceux qui l'écoutent comme nous, semaine après semaine, ben ils ont attendu une semaine. Ils ont déjà attendu. Ils vont être là quand même la semaine suivante, même si vous leur donnez la réponse. Fait que ça me fâche, parce que s'ils avaient donné cette foutue réponse-là la semaine suivante, je l'aurais quand même écouté la troisième semaine. J'aurais pas arrêté tout d'un coup par hasard. Fait que ça n'a rien changé. Puis ceux qui binge-watch la série en DVD, Christy, ils l'ont dépensé leurs 50$, ils l'ont acheté la série. Tu penses-tu vraiment qu'ils vont arrêter parce que tu leur as donné la réponse après un épisode de délai? Ouais. Je veux dire, dans les deux cas, les gens ont besoin de le savoir l'épisode suivant. Ouais. À moins que... À moins que tu joues avec deux, tu sais, des fois, deux trames narratives qui se chevauchent, tu sais. Oui. Une trame narrative, il se passe de quoi? Oups, on s'en va avec eux autres. Oh mon Dieu, on va revenir avec les autres. Non, là, c'est vraiment des épisodes qui arrêtent l'action totalement. Ouais. C'était la saison 5 ou la saison 4, où ce qui s'en vont vers, tu sais, sur la trame de chemin de fer, sont toutes séparées. C'est la saison 5. Qui... Puis ça, c'est intéressant. Oui, ça, c'était le fun. Mais sauf que des fois, t'arrivais, puis tu faisais comme, oh non, pas un épisode qui va parler d'eux autres, c'est moins intéressant leur ligne directrice. Ouais, ça, c'est vrai. T'avais ça, là, parce que t'avais la ligne qui était avec Carol, qui était... et puis Daryl, qui était tellement... non, pas Carol, puis Daryl. Carol était avec, je me souviens plus qui. Abraham? Le Black, non. Là. Non, elle était avec le Black, qui avait Judith avec lui. Oui. Voyons... Je me souviens pas de toutes les noms. C'est un peu à cause de lui que Rick s'est fait couper la main, d'ailleurs, dans le BD. Je me souviens plus. Ouais. Bref, c'est un. Ouais. Ouais. Mais, c'est pas T-Dog. Non. C'est l'autre qui remplace T-Dog. Mais oui. Pas grave. Mais en tout cas, tu sais, c'est ça. Il y avait des moments plus intéressants que d'autres. Mais c'est ça. Ben écoute. Mais je pense que cette saison-là reprend quand même des bonnes bases pour la série. Nous amène des ailleurs. Puis ceux qui critiquent le fait qu'il n'y a pas assez de tuages de zombies, il y a quand même un épisode qui nous en met plein la vue. Mais c'est ça, je suis quand même content de cette sixième saison parce que la cinquième saison avait été une moitié très molle puis une moitié très intéressante. Ouais. Donc, on peut passer à la session spoilers! La section spoilers se termine à 2h32. Donc, section spoilers, Vicky. Bon, on commence avec le gros ou le petit. Le gros? Le gros, parce que c'est moi, Glenn. En fait, je vais le dire, tu sais, quand je dis par trois reprises, on nous a coupé la série en disant est-ce que c'est arrivé ou c'est pas arrivé? Ouais. On a Glenn, on a Negan, puis on a un peu la relation amoureuse avec Rick et Michonne. Ouais. Ça, c'est les trois choses que je trouve que ça dérape. Ouais. Parce que Glenn, qu'est-ce qui arrive? Ben Glenn, on pense qu'il est mort. Puis sincèrement, il aurait dû être mort. Parce que moi, j'ai regardé au ralenti avec un screenshot et c'est impossible. Puis là, je l'avais dit en plus, check ben, il va s'être glissé en dessous de la poubelle. Mais c'est impossible. C'est physiquement impossible qu'il ait glissé en dessous de la poubelle sans se faire bouffer. Vous regardez le plan, ils font un plan plongé. Et il est entouré, il y a des zombies entre la poubelle et lui, sur le plan plongé. Imagine la scène là, de eux autres qui cherchent, puis qui tombent face à face avec un zombie Glenn. Tu sais, là, le moment de drame de tu cherches Glenn, puis nous autres qui continuons à vivre peut-être avec un espoir de non, il est peut-être pas mort, puis paf, zombie Glenn dans ta face. Puis t'es comme, non! C'est ça. Puis tu sais, il aurait pu être massacré, Zombie Glenn. C'est ça le pire. Ouais. C'est qu'on aurait pu avoir un demi-Glenn. Un Glenn comme le zombie dans la première saison, premier épisode, là, la femme là, qui marche avec ses mains. Imagine comment ça aurait pu être malade. T'sais. Puis eux autres, ils sont juste incapables de le tuer. Je vais juste le dire pour les auditeurs qui le savent peut-être pas, mais elle, ils ont son histoire sur la page de Walking Dead de AMC. Ils ont fait entre la saison 1 et 2 plein de courts-métrages, genre pour behind the scenes. Puis entre autres, ils ont fait un amalgame de petits cours sur ce torse-là, qui, ça serait quoi son histoire, puis c'est excellent. Ouais, fait c'est très si vous n'avez pas vu, ça vaut la peine. Mais ouais, c'est ça, Glenn, tu sais, c'est ridicule qu'il meurt pas. C'est poche à dire, mais c'est ridicule qu'il meurt pas. C'est insultant. Oui, j'étais insulté. Quand je te disais la série manque de couilles, c'est ça, là. Tu sais, moi, à un moment donné, je voyais du monde dire « Hey, Game of Thrones, vous avez rien à envier à Walking Dead. » Vos gueules. Game of Thrones a 8000 paires de couilles comparé à Walking Dead. Ouais, vraiment. Walking Dead, là, t'as tes intouchables, puis garde le même, puis ben, si ça arrive dans la BD, fait que c'est correct, mais en même temps, non. Même, voyons. Carl, qui se fait tirer d'un œil. Ouais. Mais non, Carl, qui se fait tirer d'un œil, par exemple, lui, il peut pas mourir, tu sais. T'es c'est comme. Ça. Puis, tu sais, non seulement il mourra pas, mais dans 2 semaines, il est up, top shape. Hein? Ouais, let's go, ouais. La vie reprend, tu sais. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de nous mettre des faux stress. Ouais. Tu sais, c'est comme... Carl, si, s'est fait tirer dessus combien de fois, là? C'est bon, là. Vous pouvez le tuer, le personnage. T'sais, on vous en voudra pas. Mais c'est ça, ils ont pas de couilles, ils ont pas... Tu sais, comme si... En plus, moi, je pense, ils ont fait une erreur en mettant un épisode flashback en est-ce que Glenn est mort puis est-ce que Glenn survit, parce qu'on a eu le temps de faire notre deuil. Moi, ouais. Personnellement, j'avais fait mon deuil de Glenn, puis j'étais prête à le voir mourir parce que vous m'avez donné une semaine de plus pour m'en remettre. Oui, puis en plus. Il est pas mort. Fait que je suis vraiment insultée. Je suis comme. Je suis pas. Oh, wow, vous m'avez eu. Non, c'est. Ah, oh, tabarnak, vous l'avez pas fait. Ouais. Puis en plus, c'est un épisode de flashback qui raconte un peu tout ce qui s'est passé avec Morgan. Et c'était un excellent épisode, excessivement touchant. Vraiment, tout en douceur, en finesse. J'avais adoré cet épisode-là. Fait que, tu sais, après ça, j'étais prêt à revenir d'un Walking Dead qui me disait que Glenn était mort, là, tu sais. Oui, c'est ça, exactement, parce que tout l'épisode avec Morgan, c'est accepter qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe, accepter qu'il va y avoir des morts, accepter que la vie va être difficile, accepter le monde dans lequel on vit. Mm. C'est ça. All live matters, quelque chose all comme ça. All lives matter, ouais. Ouais. Que ça soit le hashtag ou pas, là, c'est pas... Mais non. C'est ça. Tu sais, moi, c'est ça qui me fâche, c'est que tu nous fais accepter les morts, puis après ça, tu nous dis, mais lui, il l'est pas, par exemple. Non, puis ça, c'est vraiment frustrant. Pour vrai, là, c'est vraiment frustrant. Et puis surtout avec cet acteur-là, dans cet épisode-là, avec Morgan, je me souviens plus le nom de cet acteur-là, mais c'est lui qui joue le mari dans Fargo. Oui, il joue un étranger dans The Visit aussi. Là. Dans Invitation? Ah, Invitation, oui. Oui, ouais, c'est ça, celui qui raconte comment il a tué sa femme. Écoute, quel acteur! Et dans cet épisode-là de Walking Dead, il prend toute la place, puis il a un charisme incroyable. Moi, je pense sincèrement que c'est mon épisode préféré de cette saison-là. Et pourtant, c'est un épisode qui ne raconte aucunement la trame narrative, tu sais. Ouais. Sinon, dans les autres épisodes... Moi, je pense que l'épisode final, par exemple, malgré que la finale me fait chier, ça reste mon épisode préféré de la saison parce que je trouve que c'est un des seuls qui a une réelle tension. Oui. Quoique l'épisode avec Maggie et Carol, il y a une énorme tension, mais Carol me fait beaucoup trop questionner pour que j'embarque dans la... On dirait que je décrochais volontairement pour essayer de comprendre Carol à ce moment-là. Ce qui fait que la tension était là, mais pas à la bonne place pour moi personnellement, parce que Carol, c'est un de mes personnages préférés. Donc, je comprenais la tension qu'on voulait, où on voulait m'amener, mais j'étais pas prête à y aller parce que j'essayais de comprendre pourquoi Carol était plus aussi badass. Ah, ben, clairement, moi, ce que j'avais trippé dans cet épisode-là, c'est que, bon, on va le résumer, c'est qu'elle est prisonnière avec Maggie, est enceinte, puis Carol. Tout le monde, quand il voit Carol pour la première fois de leur vie, pense que c'est une vieille femme qui est incapable de se défendre, faible. Et elle joue le rôle de la prisonnière faible. Elle est tout le temps en train de prier avec son chapelet. Mais c'est ça, mais est-ce qu'elle le joue ou elle vient de craquer? Non, moi, j'ai l'impression qu'elle break down. Je suis sûr qu'elle le break down. Moi, j'avais l'impression qu'elle jouait. J'avais l'impression qu'elle jouait, sauf que, tu vois, tout le long de l'épisode, moi, je me disais, oh, Carol, je t'adore. Parce que Carol est très bonne pour faire ça, la genre de caméléon. Même dans l'épisode où ce que les wolves envahissent Alexandrie, elle se pogne un costume de wolves, puis elle se met à les tuer un par un. Mais personne ne la spot parce oui. qu'elle est déguisée, tu sais. Quand elle décide de quitter Alexandria, puis elle pogne trois gars, puis ils sont comme, mais comment t'as fait pour survivre une petite femme seule? Puis elle dit, allez-vous-en, genre. Puis ils sont comme, ben non, voyons, tu nous fais pas peur, puis elle les tue les trois, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ce que j'aimais, c'est que c'était la Carol qui est capable de qui sert de son allure pour finalement de mettre un guet-apens à tout le monde. Sauf qu'à la fin de cet épisode-là, elle regarde Rick, puis elle lui dit, il n'y aura plus jamais de mort à cause de moi. Je ne tuerai plus jamais personne. Fait que là, as-tu fait un breakdown? Non, moi, je suis sûr que oui. Mais en même temps, c'est que, moi, je te dirais que non. Moi, ce que je vois, c'est que elle jouait la comédie. Sauf que elle a quand même probablement fait son plus gros killing spree. Tu sais, là, elle a fait ses plus gros meurtres de toute la série dans cet épisode-là. Elle a tué plusieurs femmes, puis elle a même enfermé du monde pour foutre le feu. Tu sais, c'est comme si elle avait atteint son quota. Là, c'est ouais. comme genre... C'est pas avant qu'elle fait justement la liste des gens qu'elle a tués. Un épisode avant, elle fait la liste des gens qu'elle a tués, puis elle stresse. Elle pose son crayon puis elle stresse. Moi, je pense qu'à ce moment-là, quand elle a fait la liste, elle a décidé, moi, je ne tue plus. Puis là, elle se ramasse avec Maggie, puis elle comme, fuck, j'ai décidé que je ne tuais plus, mais je suis pris au piège avec une femme enceinte que j'aime. Je ne peux pas la laisser mourir, fait qu'il va falloir que je commence à tuer. Puis moi, c'est pour ça que je la crois. Puis à un moment donné, j'ai dit, ah, moi, tout, j'étais sûre qu'elle faisait la comédie. J'étais comme, ah, c'est qui est badass, elle joue en comédie, elle joue en comédie, c'est qui est badass. Mais quand elle se met à hyperventiler, j'ai fait, OK, elle joue pas la comédie, elle vient vraiment de faire un breakdown, elle vient d'être brisée, elle vient d'être cassée. Puis là, la rousse, elle dit, voyons, Christy, qu'est-ce que t'as? Tu sais, t'as pas l'air bien. Puis elle dit, c'est parce que je le sais qu'il va falloir que je te tue, puis je suis plus capable. T'as raison, c'est vrai, il y avait cette liste-là, je l'avais oubliée. Ouais. Elle dit, moi, il faut que je te tue. Fait que moi, tout au début, j'étais comme, hostie, qu'elle est nice. Hostie, qu'elle est nice, elle joue la faible. Ouais. Ah, elle l'a tellement. Mais non, elle joue pas la faible. C'est qu'elle vient de casser. Elle s'est dit, Christy, je venais de décider que je devais plus tuer. Puis je vais être encore obligée de le faire parce que je peux pas laisser Maggie mourir. Puis parce qu'elle, il va falloir que je la tue, mais je suis tannée de tuer. Puis c'est pour ça qu'elle hyperventile, c'est qu'elle sait qu'elle va être capable, mais qu'elle veut plus le faire. On s'entend que, ben là, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la 7e saison, mais on s'entend qu'elle aura probablement pas le choix d'être avec Morgan et d'être la chevalière, la salvatrice de tout le monde, donc elle devra probablement encore tuer, j'imagine. Mais est-tu dans le cercle? Non, elle est avec Morgan. Elle s'était sauvée d'un champ, puis Morgan est partie à la course après. C'est ça. Puis ils se font sauver par deux chevaliers en armure. Oui, c'est vrai. cette scène complètement irréaliste. Puis tu vois, oui, mais tellement belle. Oui, parce que tu sais, j'étais comme, ah, du monde en armure sur des chevaux. Pourquoi on n'a pas eu ça avant? Uh-huh. Tu sais, là, j'avais un élément nouveau. Impressionnant. Plein de questionnements de c'est qui eux autres, ils font quoi, tu sais. Parce que là, on a les Wolves, on a les Saviors, comment ils s'appellent en français, c'est les Sauveurs. Ouais. Puis on a aussi l'autre ville qui est un peu comme Alexandrie. Dans la colline. Tu sais, ouais, c'est ça. Puis ce monde-là commence tout à se ressembler un peu. C'est tout le temps du monde qui ont essayé de survivre, puis par leurs propres moyens, ils sont soit tombés du bord du dark side ou du light side, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ces chevaliers-là, je veux savoir ce qu'ils se font, puis c'est qui eux autres, là. Tu sais, bon, ceux qui ont lu la BD, ils vont gueule, mais... oui! Puis ça, pour en revenir encore à la BD, Jésus? Oui. Personnage mal exploité parce que moi je suis pas attachée à lui, je m'en fous un peu, je sais pas ce qu'il fait, je comprends pas à quel point tout le monde le trouve badass. Puis là tu te rends compte, ouais, c'est parce que dans BD il est badass, ouais, ok, mais dans la série il est pas tant que ça, il est bien ordinaire là. Dans la série, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il est quand même prisonnier de Rick et Daryl et il est tous les deux. Oui, mais ça, fait que c'est drôle. Comme, ouais, mais c'était drôle, puis c'était en même temps, c'était un peu bidon, maladroit, là, tu sais, j'étais comme, sérieux, les gars, vous êtes pas forts. Mais c'est pour montrer qu'ils commencent vraiment à se trouver au-dessus de leur affaire. Oui, exactement. Tu sais, c'est un pas vers la finale. C'est un pont vers Asti qui se trouve meilleur que les autres. Là. Les gars, revenez sur Terre, vous n'êtes pas invincibles. Ouais. Puis là, la finale arrive et ils sont pas invincibles. Non, c'est ça. Vous avez décidé d'aller foutre la merde dans le camp du monde. Ben, just too bad, parce que ça vous tombe sur le nez puis il y en a un de la gang qui va mourir. Et voilà. Je sens qu'on s'en vient vers la finale, mais j'avais le goût qu'on parle d'un épisode parce que moi, ça a été un des moments que j'ai aimé le plus dans la série parce que enfin il y avait comme un, je sais pas, il y avait une magie dans cet épisode là l'épisode où Alexandrie est remplie de zombies et là Carl est en train de se faire soigner et là Rick décide je sors et je tue toutes les zombies et là t'as tout le monde qui sort, tous les habitants d'Alexandrie, c'est comme si on est tous ensemble dehors avec machette, hache, peu importe quoi, on va s'en sortir. Ouais, cet épisode était malade. J'adorais parce que tout le long, c'est Rick qui dit le monde d'Alexandrie ne peuvent pas s'en sortir. Ils ont besoin de nous autres. Ils sont faibles, blablabla. Puis là, c'était comme tout le monde sort. Puis c'était trippant. Puis juste avant, il y avait quand même la séquence qui amène à Carl qui se fait tirer dans l'œil, mais toute la séquence où ce qui se promène main dans la main avec tous les lambeaux de tout déguisant zombie, ça c'est des moments qui apportent de la tension quand même, tu sais. Puis on sait que le petit garçon est tellement fragile qu'on se dit non. Comment ça, c'est ça? C'est sûr, ça va, la marde va pogner, évidemment la marde pogne totalement. Ouais. Puis tu sais, ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai un peu à reprocher à Walking Dead parce que ça continue dans l'histoire de Glenn un peu. Faut arrêter de nous mettre des personnages secondaires que vous êtes capables de tuer facilement. Soit vous tuez des héros, soit vous tuez une fois de temps en temps des personnages secondaires, mais là, c'est que chaque épisode, ou presque, c'est des personnages secondaires qui meurent. C'est comme la médecin. La médecin. Ah, oh, puis tu le sens. J'ai trouvé ça triste qu'elle meure. Mais... puis je suis comme, il aurait pu tuer l'autre, par exemple. Oui, oui, sa blonde. Oui. Oui, parce qu'on sait, tu sais, je veux dire, sa blonde, à date de 2 saisons, on sait, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il commence vraiment à tuer des personnages semi-importants. Fait qu'on a l'impression qu'il build up autour des personnages pour les rendre un peu importants, pour finalement les tuer. Mais... un peu comme le jeune, là, qui boite, là, voyons, la sœur de Maggie est morte pour. Oui. Ben... la sœur de Maggie est morte pour ce gars-là, puis on le tue rapidement après. Puis t'es comme, oh lisse, tu sais, il aurait pu survivre, puis en tuer d'autres aussi, là. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, il y a comme ce malaise-là aussi que j'ai autour de moi. Que tu sais, on dirait qu'il build up des personnages intéressants pour les tuer, parce qu'ils sont pas game de tuer les masters. Puis c'est une recette qui finit par se voir, tu sais. Là, t'es là, t'écoutes, puis tu fais, ah, pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup trop ces personnages secondaires-là? Ouais. Beaucoup trop. Non, ça va mal finir. Soit ça va mal finir, c'est dans cet épisode-là, ou soit l'épisode d'après. Très mais tu sais, c'est comme. Ça. Ouais, tu sais, ah non, on s'attache trop à un personnage qu'on ne s'attachait pas avant, il va mourir. C'est plate, tu sais. Quand tu le vois venir, là. Moi, je le calais là, tout le long de l'épisode, j'étais comme, ah, c'est je cameur. C'est son tour. Et voilà. Ouais, tandis que t'avais Eugène qui était là, qui était prêt à. Ouais. À mourir, il était comme en otage. Là, pourquoi ça n'aurait pas été Eugène qui serait mort? T'sais? On l'aime, Eugène, même malgré les morts qu'il a pu faire. Puis... mais c'est ça, il est attachant. C'est ça. Non, c'est ça, il y a plein d'enfants. C'est ça, exactement. Ils ont trop comme mis un noyau de master qu'ils ne veulent pas toucher. Fait qu'ils vont prendre un semi-secondaire qu'ils vont élever à principal, puis après ça, ils vont le tuer. C'est ça. Comme ça, ils peuvent faire comme « Hey, checker comment on a des couilles, on a tué quelqu'un de principal. » Non. On a tué le dernier love interest de Rick. Hey, on est game. C'est ça, exact. Non, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on parle. Non, parce que vous vouliez en venir à quelque chose que les fans veulent voir, mais qui n'est pas intelligent pour la série, la relation entre Michonne et Rick. Et que ça sort de nulle part. C'est malaisant. Ah, quand ça arrive, là, t'es comme « Ah ouais, sérieux? » Ah, non, j'y crois pas. J'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas. C'est vraiment, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait un tweet fight. Ils ont mis sur Twitter, « Hey, qu'est-ce que vous en penseriez si Michonne et Rick? » Puis là, les fans sont trop caves, fait qu'ils ont dit oui, puis là, c'est ça que ça a donné. Parce que sérieux, ça ne marche pas, c'est pas logique, mais comme pas logique, pas en tout. C'est, oui, c'est deux survivants, oui, ils se sont battus ensemble, mais on peut-tu être amis aussi? On peut-tu ne pas avoir cette relation-là? On peut-tu être combattant égo à égo face à cet univers-là sans... avoir besoin d'être un couple. Tu sais, moi, ça m'aurait pas dérangé si on avait découvert que c'était une histoire de cul. Moi non plus, ouais. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, hey, regarde, t'es cute, je suis cute, go. Mais on sent qu'après ça, quand ils se réveillent, le lendemain, ils font comme, il n'y a rien entre nous deux, là. Non, il n'y a rien. C'est ça. Quand que Jesus il arrive dans la chambre, ils sont tout nus, ils pourraient faire comme, ouais. Tu sais, douche froide, là, tu sais. Ouais. Mais non, à la place, ils mangent une pomme dans le lit avec les chambres. C'est ça. Non, c'est vraiment malaisant. Je trouve que ça, là, pis tu sais, comme Arrow, ils ont fait la même affaire, là, Green Arrow, puis je trouve pas que ça sert à l'histoire. Sincèrement, ça ne sert pas à l'histoire que vous, ce couple-là. Parce que là, on est juste stressé parce qu'on aurait juste encore plus de peine s'ils étaient plus ensemble, mais Michonne, elle a une importance, puis Rick a son importance séparée, puis tu sais, je trouve ça poche parce que c'est comme si, rendu à la fin du monde, ben, à partir du moment que t'as une femme, ben, tu vas être en amour avec. Ouais. Exact. Ben non, je suis désolée, j'ai le droit de vouloir juste combattre à côté d'hommes, puis des hommes vouloir combattre à mes côtés sans nécessairement qu'il y ait de relation amoureuse. Le fameux cliché d'un gars et une fille sur une île déserte. Là, oui, c'est ça. Mais il y aurait moyen vraiment que ces deux-là deviennent des super-héros battant côte à côte sans être en amour. Ça aurait vraiment été mieux. À aucun moment dans la série, je me disais, ah, si seulement ils pouvaient être ensemble. Jamais que ça m'est passé par la tête. Fait que, tu sais, quand c'est arrivé, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Non, ils sont pas en train de. What? Ah, c'était Puis en plus, je trouve que ça rend Michonne plus fragile. Ouais. Parce que là, on a comme plus peur qu'elle meure maintenant que c'est la blonde à Rick. Ouais. Parce que ça va plus détruire Rick. Mais quand Liz, elle peut-tu avoir son entité propre? C'était déjà un personnage unique, un personnage seul, un personnage qui avait tellement de background puis qui était tellement groundé dans la série. Ce personnage était tellement solide qu'on n'avait pas besoin qu'elle sorte avec Rick. Puis là, maintenant qu'elle sort avec Rick, ben Chris, on a peur qu'elle meure. Ouais, parce que ça servirait l'histoire à Rick. Ouais, mais on peut-tu ne pas servir l'histoire à Rick? Ouais. T'sais, on peut-tu nous prouver que Walking Dead, la série, est capable d'être une série qui parle de d'autres personnages à part Rick et Glenn et Maggie? Parce que oui, il y a Abraham pis tout ça, mais ils ont jamais réussi à nous l'amener de façon à ce que on trippe tant que ça sur Abraham. On espère que ce soit lui qui se fasse tuer par le guide. Ouais, bah regarde, je pense qu'on va terminer avec ça. Allons-y avec l'abcès, cette scène finale où finalement notre groupe de sont rendus 11, c'est ça? Il me semble que c'est ça que j'ai lu. C'est 11. Où ils se font finalement pogner par ce groupe de les Saviors parce que, bon, ils ont été saccagés un de leurs camps, ils ont tué un paquet de leurs personnes, puis là, ben, les Saviors ont comme fait, ben là, payback time, on va se venger. Ouais. Et ils leur font tout qu'un guet-apens. Et c'était quand même cool. Puis toute cette scène-là où que finalement on découvre qui est Negan, puis que ce gars-là sort de sa roulotte avec son bat de baseball entouré de barbelés, qui se met à leur faire un speech sur « Regardez, vous êtes pas... vous êtes pas des, vous allez pas décider qui meurt, tu sais, ici, là, nous autres aussi, on a le droit de survivre, blablabla. » En tout cas, c'est vraiment un speech qui était quand même trippant. Et là, qui se dit « À cause de tout ce que vous avez fait envers nous autres, ben, il y en a un de vous autres qui va mourir, tu sais. » Ouais. Puis... Là, bon, ils teasent hein, qui va tuer. Finalement, il nous fait un ennemi de Majimau, Amstram Gram, peu importe. Puis, il tue quelqu'un, clairement. On le voit, il tue quelqu'un. Oui. Sauf qu'on ne voit pas qui il tue parce que la caméra de la personne qui meurt, c'est une caméra en vue subjective qui nous montre juste... Fade au black. Même à... Non, il n'y a pas de sang ou quoi que ce soit qui coule. Ben, quelque chose de similaire, peut-être. Et là, bon, ça se termine là-dessus. Negan a tué un des 11 et j'essaye de me rappeler qui sont ces 11-là, là, mais là, il commence à avoir un petit peu trop de monde. Il y a Eugene, Abraham, c'est quoi? C'est Ita quelque chose? C'est-tu Rita? Rita? Tita? Non. Je sais plus. En tout cas, la fille également avec eux. Ensuite de ça, on a Maggie, on a Glenn, on a Michonne, Daryl, Carl, Rick, il m'en manque deux. Fait qu'ils sont peut-être juste 9 de bord. Non, j'ai relu tantôt, c'est 11. Non, 11, ok. On recommence. Maggie, Glenn, Rick, Carl, Abraham, Eugene, Rita. Ah, c'est la lesbienne. La lesbienne est là-dedans, oui. Probablement. Oui. La lesbienne. Je suis désolée, mais j'ai pas d'autre idée. Non, on a pas son fait qu'il m'en manque encore une. Bon, regarde, il en manque un. Il en manque un. Peu importe. Ce sera lui qui va mourir. Tu sais, on sent. Mais ah, on c'est le gay! Oui. La lesbienne et le gay. Ah, si on est homophobe, on oublie la lesbienne et le gay. Non, désolé, mais on s'entend que c'est pas des personnages que. Mais désolé, malgré que. Comme pour toi, monsieur, ouais. Homosexuel. Mm-hmm. Mais. Regarde, t'as 11 personnages qui sont supposés. Puis là, je disais des 11 irréductibles, les 11 intuables. Mais c'est pas vrai. Il y en a au moins 3, 4, peut-être même 5 là-dedans qui crèveraient puis qu'on ferait comme. Ah, c'est pas l'homosexuel, c'est la sœur de l'autre. C'est la noire, la sœur de l'autre. C'est pas l'homosexuel. Okay, l'homosexuel, oui. Il est resté avec le prêtre dans le village. Le prêtre puis l'homosexuel gardent le village. Sacha, c'est Sacha qui, oui. Qui est là. Puis là, c'est ça le truc, c'est que là, Abraham, il est en amour avec Sacha. Oui. Fait qu'il y a là la tension entre ces deux-là. Oui, ah oui, parce que c'était comme arrivé soudain, ça aussi, là, Abraham, en amour avec Sacha. Mais c'est mieux buildé, par exemple. Ça fitait plus. Parce que, tu sais, ils se connaissent depuis un petit peu moins longtemps, puis ils gardent... Mais ils font des tournées ensemble, ils se battent ensemble. Ouais, oui. Ils gardent les portes ensemble, ça... Puis ils sont moins brisés, côté peut-être émotif, malgré qu'Abraham a vécu quand même de quoi de rough, là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais... T'as quand même beaucoup de personnages là-dedans que si c'est ces personnages-là qui meurent, je trouvais que la série a manqué de couilles encore une fois. Ouais. Tu sais, si c'est Eugene, si c'est Sacha, je vais faire comme. Bah. Tu sais, si c'est. Hey, si c'est la lesbienne, je m'excuse. Si c'est elle, là, c'est tellement anecdotique, là. Là, je m'excuse. Dans la BD, je sais qu'il meurt. Ouais. Et. Si c'est cette personne-là que Negan tue, bravo! Vous êtes échappé, puis vous avez eu vos couilles que vous avez manquées pendant tout le long de la saison. Mais vont-ils le faire? Moi, tu sais quoi, ma peur? La 7e saison va commencer avec un épisode sur Morgan, Carol. Ah, c'est sûr! C'est sûr! Puis c'est ça, là, ça va me mettre en tabarnak. Oui, parce que c'est sûr qu'ils le font, parce qu'ils se disent, hey, on va. Côté, OK, le combien de millions qui vont écouter cet épisode live-là, ils vont attendre après ça. Bon, on leur donne pas, comme ça, ils vont tous revenir la semaine suivante. C'est un truc marketing pour faire deux fucking gros auditoires deux semaines de suite. C'est pour être sûr d'avoir, comme, pété l'auditoire deux semaines de suite. Et c'est de l'hostie de triche. Je suis désolée, mais c'est de l'hostie de triche. S'ils font ça, la 7e saison, je la commence... vraiment tout croche de travers. Puis oui, là, tout. Je vais commencer à être fru contre la série. Oui, tout. Puis, hey, on s'entend-tu? 7 saisons, ça commence à être long. 8? 8, ça serait pas mal un max, là. Parce que je sais pas les BD, si ça s'arrête bientôt, puis vers où est-ce que ça s'en va. Parce que là, j'ai juste l'impression que la série s'en va... C'est plate, là, mais la série s'en va nulle part. C'est ça qui est un peu plate par rapport à bien d'autres séries où ce que les personnages ont un but. Là, le but, c'est de survivre. C'est de se trouver un endroit, puis d'être en sécurité, puis de vivre leur vie. Ouais. C'est parce que ça peut s'étirer vraiment longtemps, parce qu'ils peuvent toujours arriver à quelque part, faire détruire. Ils ont quand même trouvé un autre filon. Parce que là, ils ont trouvé un endroit où ils étaient en sécurité, et ils ont eu le don, par leur narcissisme, de se remettre dans le trou. Ouais. C'est ça qui est arrivé. C'est ça. C'est parce qu'ils voyaient plus gros que la panse, parce qu'ils voyaient plus gros que nécessaire, parce qu'ils ont décidé qu'ils étaient invincibles puis qu'ils avaient réussi à trouver la balance parfaite, même qu'ils étaient plus haut que la balance. Ben c'est là qu'ils ont fait comme « Fuck it, on peut tuer tout le monde puis on est king of the world ». Puis je trouve que après cette proposition-là, la saison qui est là devrait être l'ultime saison. Parce que là... on pète la balloune. Il n'y a personne qui est king of the world. Ouais. Fait que là, on a comme trouvé... Bon, là, au début, on se bat contre les zombies. Après ça, on se rend compte que dans une terre de zombies, le plus grand ennemi, c'est pas le zombie, c'est l'homme. Parfait. Ouais. Fait que là, on va se battre contre l'homme. OK. Là, après ça, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on se bat contre l'homme, on va trouver une place où l'homme n'a pas envie de se battre entre lui, puis qu'on peut vivre calmement. On va faire une civilisation. Ouais. C'est ça, on va le trouver, mais maintenant, on est mis au top de cette civilisation-là. Fait qu'est-ce qui peut juste arriver? C'est qu'on s'enfle la tête au point où ça nous pète d'en face. Là, on est rendu à la situation que ça leur a pété d'en face. On va essayer de trouver un équilibre, mais ça devrait être ça. On retrouve un équilibre, puis ça finit là. Il faut que ça finisse. J'espère. Ça fait trop d'argent. Ça fait trop d'argent pour que ça finisse. C'est ça qui fait chier. C'est ça qui fait chier, exactement. Puis j'aimerais ça que la solution à tout ça provienne de nos deux chevaliers. Moi, c'est ça qui me tient en haleine pour la septième saison. C'est qu'est-ce que autres vont apporter de nouveau. Parce qu'ils ont l'air d'avoir quelque chose, eux autres, là. Tu sais, là. Ouais. Ils sont ailleurs, là. Ils ont une autre expérience ou je sais pas quoi, là. Ils ont réussi ce que Daryl essaie de faire, dompter un cheval. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir qu'est-ce que les autres vont apporter, puis qu'est-ce que ça va amener à la série. Je veux juste pas que ce soit encore une gang de monde qui va les inviter à venir chez eux, puis que là, ça va bretter là-dedans, tu sais. C'est ça. Je veux... Parce que oui, on le sait qu'ils trouveront pas... Ça peut pas finir avec « on a trouvé le remède pour les zombies », tu sais. Ça peut pas finir avec... ça peut pas finir avec la mort de tout le monde. On serait trop en maudit, tu sais. Ça peut juste finir avec « on a trouvé notre sanctuaire, on est bien et on y reste », tu sais. Mais parce en fait, faudrait que ça se retourne à Alexandria parce que c'est un sanctuaire. Mais c'est « on a trouvé notre sanctuaire, on le possède, mais on fait pas chier les autres autour. Ben, » C'est pas ça qui arrive. Moi, ce que... Je te dirais ma théorie, puis ce qui serait vraiment plausible, là, c'est parce que dans une invasion zombie comme ça, planétaire, là, c'est pas vrai qu'il n'y a plus de grosses civilisations puis de grosses villes, tu sais. C'est comme impossible qu'il n'y ait pas une place à quelque part qui est un fort, mais vraiment, le genre, là, tu sais, New York, là, tu sais, c'est quand même une ville avec des ponts, là, tu sais. Les zombies arrivent pas là en centaines de milliers, ils arrivent par des ponts, tu sais. Fait que, pourquoi pas est-ce que New York n'est pas un genre de sanctuaire où, regardez, ici, on est safe, là. Puis, il y en a plein des sanctuaires. On va découvrir que, finalement, des sanctuaires comme ça, il y en a partout, tu sais. L'Irlande peut être un sanctuaire, c'est une île, tu sais. Peut-être oui, je comprends. Tu sais, ça pourrait être intéressant. Peut-être que ça s'est jamais rendu au Japon. Peut-être que ça s'est jamais rendu au Canada, tu sais. Puis qu'on découvre que, finalement, ils arrivent là-dessus, puis, wow, OK, fuck. Nous autres on a eu notre réalité. Parce que ça qui arrive, là, eux autres, ils voient leur réalité, mais ils n'ont aucune notion du global. Ils tournent en rond, hein. Ils tournent en rond. Tu sais, oui, bon, là, après ça, il faudrait qu'ils nous expliquent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'avion, d'hélicoptère ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, bon... Mais il y en a des hélicoptères dans les premières saisons, puis on ne sait pas trop ce qui arrive avec eux autres, à part le General, à un moment donné, ils en tuent, mais c'est tout ce qu'on sait. Tu sais, moi, c'est ce que je voudrais. Puis je serais vraiment satisfait d'une série comme ça. Parce que ça nous montrerait que c'est un monde-là... Après ça, là, tu sais, c'est de se dire, OK, c'est un monde-là qui sont brisés, qui ont eu à vivre dans la sauvage, puis tout ça. Ils reviennent d'une civilisation qui a jamais été brisée. Puis c'est pas genre, bonjour, je suis Rick, et je vais vous montrer comment s'en sortir. Non, c'est qu'il va arriver, bonjour, je suis Rick, bonjour, Rick, rentre dans le tas comme tout le monde, t'es redevenu un nobody. C'est ça, t'es redevenu un nobody. Parce que c'est ce qui aurait dû arriver à Alexandria, mais Alexandria... était trop précaire. C'est ça. Tu sais, ça allait leur sauter d'en face. Ouais. Mais puis il a sauvé la situation, mais il faudrait qu'il arrive dans une affaire où la situation a déjà été sauvée. T'sais. Admettons ces chevaliers-là. Ouais. Tu sais, ils ont l'air d'être en maîtrise pas mal. Là. Je veux dire, ça a l'air d'être des guerriers puis des bonnes personnes. Fait que tu sais, Rick arrive là-dedans, il pourra pas mettre son grain de sel, tu sais. Puis peut-être qu'on va découvrir que finalement, Rick est en train de devenir le Shane, puis que... L'homme à abattre, puis la personne qui a mis le trouble partout, c'est Rick. Ben oui, c'est ça que je dis. C'est ça que j'ai. D'entrée de jeu, je disais. Ouais. Shane, c'est dans ta face. C'est ça. C'est ça. T'es devenu ce que Shane t'a dit que tu devrais être. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça pourrait être une belle finale. On serait d'accord avec ça, tu sais. Parce que oui, Rick, on s'y attache. Mais moi, de plus en plus, Rick, je suis de moins en moins d'accord avec ce personnage-là. Puis. Ben oui. J'aime pas ce qu'il dit. Ça serait pas fou, ton enfant, parce que les deux personnages qui vont suivre les gars à cheval, c'est les deux personnages qui ont le plus besoin d'être zen. Oui. Fait qu'ils pourraient amener Rick et dire, regarde, ici, là, c'est zen. Soit tu t'y conformes parce que, regarde, ils survivent, ils vivent bien, ils sont pas attaqués, ils sont dans un fort. Fait qu'ici, t'as pas à tuer. Ouais. Un peu ce que Michonne en avait ressenti en arrivant à Alexandria, elle avait rangé son sabre en disant « ici, on va être bien », puis Rick, il disait « non, non, non, non, non », puis finalement, Rick a eu raison. Ouais. Mais il pourrait arriver à une place où que t'as Carol puis Morgan qui dit « regarde, ça fait des mois qu'on est ici, puis je te confirme, ici, on est bien. Ouais. Il n'y a pas d'attaque mystère, il n'y a pas de menace extérieure, ici, on est bien. » soit tu te conformes puis tu redeviens, tu perds tes gardes, tu redeviens, sinon il va falloir que tu sois battu, ça va être ton tour. Ouais. Ça va être toi le wolf, ça va être toi le ouais. le savior. C'est toi qui es fou. C'est toi qui es fou. Ouais. Ouais, je pense que ça serait puis en deux saisons max. Peut-être une saison, ça serait rapide. C'est rapide parce qu'il commence dans le trouble, tu sais. Il commence dans le trouble. Mais en deux saisons, ça pourrait se finir. Parce qu'après ça, là, maintenant, ils vont juste encore nous créer quelque chose pour encore tourner en rond. C'est le problème des séries télé. Ça finit toujours par être le problème des séries télé. Ah, tellement. Puis il y en a tellement qui sont tombés dans ce piège-là de... Oui. Ça s'essouffle, puis ça l'essaye, puis ça l'essaye. Mais à un moment donné, gang... Dexter... Oui, moi tout, je pense à celle-là depuis tantôt. Mais le problème, c'est que, au contraire de Dexter, au contraire de bien d'autres séries, les gens sont encore au rendez-vous avec Walking Dead. Oui, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est que Dexter, là, ça a dû arrêter parce que les gens n'étaient même plus au rendez-vous. Walking Dead, les gens le sont encore. Ouais. Non, je pense que tu as raison pour Dexter. Je pense pas que le monde est encore dedans. Non, parce qu'ils ont amené Julia Stiles dans la série en disant que c'était une grosse tête d'affiche. On ramène Julia. On lui donne un rôle, on redonne une chance. La grande actrice de cinéma, Julia Stiles, s'en vient dans notre série. Mais c'est vrai, ils ont essayé de faire un stunt avec ça. Quand ils ont vu que même ça, ça ne levait pas la série, ils ont fait « OK, ça vaut pas la peine, même, ça vaut pas la peine. » Lâcher prise. Et c'était, c'était une série qui ne voulait pas mourir, tout comme son héros. Oui, exactement. C'est bien dit. Mais bon, ben écoute, sur ça, je pense que ça termine. Ça fait le tour. Oui, puis... J'ai quand même hâte à une septième saison. J'ai goût de sentir que Walking Dead reprend une direction puis qu'ils s'en vont vers un but puis vers une finalité. C'est ce que j'ai goût. Tu sais, puis regarde, tu l'as dit, Walking Dead, tout le monde est au rendez-vous. Ben, ils ont Fear the Walking Dead, là. Tu sais? Oui, pourquoi vrai. Pas dire Walking Dead, c'est fini, mais Fear the Walking Dead va continuer puis le monde pourra accrocher à ça. Tu sais, je veux dire, OK, c'est beau, t'as des fans, les gens sont au rendez-vous, mais... bol, quand ça a fait le tour, ça a fait le tour. Quand tu sens que c'est fini, c'est fini. Les gens, ils t'en voudront pas, ils vont pas incendier ta maison, ils vont avoir de la peine, ça finit là. L'important, c'est que tu le finisses ça de la bonne façon. Puis la meilleure manière de finir ça de la bonne façon, c'est en ayant un plan, puis en t'y tenant. Tu sais, pas en improvisant, puis en étant pogné finalement à une saison où ce que le studio font comme, ben là, c'est la dernière, là, on te renouvelle plus, puis là, faut que tu finisses en catastrophe. Un peu comme Hannibal. Ouais. Ouais. Exactement. Mm. Ah ouais. Bref, je pense qu'on a fait le tour, tout comme Walking Dead, que ça pourrait bien, bien finir, pas bien en tant que positif, mais bien, on pourrait englober le tout, mais il faut juste qu'ils se donnent la peine de le faire, je pense. Il faut qu'ils se donnent la peine de pas écouter. Tu sais, des relations de Michonne et Rick, ça vaut pas la peine. Écoutez pas les fans, écoutez-vous, c'est vous les créateurs de la série. Ouais. Puis ayez des couilles. Ayez des couilles. Ouais. Ayez pas peur de prendre des risques dans la série. Le monde sont là depuis 6 saisons. Ils vous lâcheront pas parce que vous avez tué un personnage important. Vous allez recevoir des courriels de hate, puis des pétitions, puis des affaires de même. Mais tout ce monde-là vont les réécouter après. Puis tu sais, commencer la saison 7 avec la fin de la 6, là. Ouais. Ben les gens vont être là quand même la semaine suivante. C'est ça. Faites-le, tu sais. On le sait qu'ils le feront pas, mais faites-le quand même. Ouais. Ben écoute, je pense que sur ce, Vicky, on va retourner en musique avec notre ami Emmanuel de Radio Enfer 666 et on se retrouve après pour une conclusion avec les boys qui vont nous revenir parce que là, je pense qu'ils ont hâte. Je pense que la prochaine saison, c'est dans un mois et quelques plumes. C'est dans très pas long. Fait que on en glissera un mot dans un épisode là, juste en début pour dire est-ce qu'on avait raison ou pas. Est-ce que le premier épisode Est-ce que c'est évident ou pas, c'est ça? Ouais. Yes. Fait que, ben, hey! En musique, tout le monde! Carl! Salut, c'est Manu du podcast Metal Radio Enfer 666 pour l'interlude musical après Walking Dead. Donc, on va écouter une chanson du groupe de metalcore The Devil's Wear Prada, qui n'a aucun rapport avec le film d'Anne Hathaway. Et on va écouter la chanson Revive tirée du EP Zombie, sorti en 2010, qui traite d'une infestation de zombies et de la disparition du monde tel qu'on le connaît. Bonne écoute! Donc, c'est ce qui conclut notre épisode de série télé Walking Dead, Ash vs Evil Dead. Il y avait de la mort, il y avait du sang, il y avait des zombies, des démons. C'était cool. C'était très, très cool. Tout ça accompagné d'un concours de critiques sur le site. Et vous autres, les gars, est-ce que vous nous accompagnez ça d'un futur bras de fer? Ouais, ouais. On est toujours partant pour... un match de bras de fer. prochain épisode sur brasdeferdesfilms.com, ça va être le film Les 400 coups de Truffaut contre le film Problem Child, l'enfant... Comment ça s'appelait déjà? Le petit monstre. Le petit monstre en français avec John Ritter. Un épisode sur... Le 1 ou le 2? Le 1. Qui est sur c'est Netflix en ce moment. Meilleur. Oui, je sais, mais il est sur Netflix en ce moment. Moi, ouais, écoute... Problem Child, là, ça berce ouais, mon enfance. Mais dans le 1, t'as genre le gars qui fait le méchant, puis tu dis, hey, ce gars-là, il est tellement hot, ça aurait été le fun qu'il ait eu une carrière. Puis tu te rends compte quand tu dis qu'il a fait Seinfeld, fait que finalement, c'est ok, je vais fermer la gueule. C'est qui? Mais c'est le grand dans Seinfeld. C'est un, dans ouais. UHF aussi. Ouais. Dans UHF, ok. Le grand dans Seinfeld, il joue le méchant dans le premier Problem Child. Fait que c'est Stanley Stadowski. Ouais. Oui. C'est ça, mais moi j'étais comme, ah, il est tellement drôle, ça aurait été le fun qu'il ait eu une carrière. Mais c'est parce que moi j'ai un attachement avec Problem Child 2. Là. Oui. C'est là-dedans que j'ai découvert la toune de It's My Party and I Cry If I Want To. Puis la scène avec le manège qui fait vomir tout le monde. Mais le concept du bras de faire des films, c'est de prendre des navets nanars comme deuxième film. Puis lui, ça a été un flop au box-office que je disais sur Wikipédia, fait que je vais prendre celui-là. Puis il y a eu une suite. Puis il y a une suite. C'est weird. Où ça a été un flop par les critiques, mais il y a genre un 4% sur Rotten Tomatoes, quelque chose comme ça. What? Faudrait que j'en vérifie, mais j'ai checké ça hier. C'est bien pas vu depuis longtemps. Steven, Nitro a une suite. C'est tout dit. Tout est dit. Et voilà. Dis rien contre le petit vierge, là, il fait toutes ses cascades, ok? C'est le Jackie Chan québécois. Ah, mais c'est tellement drôle parce que moi, je l'ai mis, là, Nitro au bistrot, puis. C'est pas que c'est comme entièrement mauvais comme la légende urbaine le dit, juste que toute la première partie du film, c'est un pastiche des rapides dangereux. Mm-hmm. Au lieu de vivre ce que c'était genre du street racing, ils ont pris les films de street racing puis ils l'ont reproduit. Au lieu de dire mais de quoi ça a l'air au Québec, tu sais, qui ferait du street racing, de quoi qui ont l'air les gens qui font du racing au Québec, mais ils ont juste comme hey, on va reprendre ce qu'on voit dans les films. Mais c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses un film. Tu peux pas reprendre ce que tu vois dans les films. Fait que ça marche vraiment pas. Puis tu peux suivre toute l'histoire grâce aux cheveux de Guillaume Lemaitre-Vierge. Ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est pas compliqué. Tu regardes le premier, ils ont essayé de faire un rapide dangereux québécois. Puis tu regardes le deuxième, ils ont essayé de faire un banlieue 13 québécois. Une espèce de James Bond. Là. Puis là, en plus, Nitro, ça fit parce que c'est le truc de char. Puis ce gars-là, il fait de la course de char. Tu sais, mon chum, il fait de la course de char. Fait que oui, il est super bon en char, puis il fait des super bonnes courses. Mais il sait pas se battre. C'est pas un super agent double. Il fait pas du parcours, ton chum? Non! Puis tu sais, je veux dire, il y a rien qui indique dans le premier film que ce gars-là est capable de se battre, de tirer du gun, de longer. En tout cas, c'est vraiment fucking drôle parce que là... Puis juste pour se décoller de Nitro 1... Là, ça s'appelle Nitro Rush parce que Max doit détruire la drogue qui s'appelle Nitro Rush. Oui. Ouais. C'est bien. Yes. Hey, vas-y, continue. J'allais juste dire, au cinéma, il y a une convention qui dit si t'es capable de conduire un char vite, t'es shapé puis t'es vraiment hot. Tu sais, il n'y a pas un gros paresseux là, qui conduit un char super hot. Là. Non, non. T'es shapé comme un dieu. C'est ça, fait qu'en tout cas, ça marche juste pas, genre. Puis en plus, dans le film, quand il est bad guy aux cheveux rasés, on le surnomme Max, mais son vrai nom, c'est Julien. Puis dans la pub, dans la bande-annonce, Micheline Langteau l'appelle Max. Mais c'est pas Max, puis c'est un détenu, fait que tu l'appelles pas par son surnom, tu l'appelles par son vrai nom, c'est un détenu. Je vais juste te dire. Mais c'est vraiment merveilleux comme film. Parlant de grands films québécois, je change de sujet rapidement, mais Steven, tu disais pas qu'il y avait un grand classique de l'horreur québécois qui passe à Cinépop? Oui, le Scaphandrier. Grand classique. Et qu'on a vu chez Archambault à 35$ le DVD. Oui, je l'ai vu. J'avais gagné. J'ai gagné une copie, puis j'ai pas encore écouté. Ah, chez HMV, pas Archambault, HMV. Moi, j'ai vu, j'ai eu pas mal le même prix à Archambault. Hey, Archambault à Montréal, je suis allé là, les DVD, la section DVD, ça fait pitié en esti, c'est vraiment rendu dans le fond. Ah, ils veulent plus rien savoir, Archambault, là. C'est raté. Ah, c'est décevant. Il Ils ont tout abandonné ça. C'est vraiment c'est drôle parce que Cinépop, leur tagline, c'est aussi « Chacun ses classiques ». Puis j'ai voulu marquer ça en dessous de la phrase du scaphandrier qui disait « Je suis déjà un classique ». Puis là, je voulais écrire « Ah, chacun ses classiques ». Voilà. mais le gars était quand même sympathique. Hey! Oui, Alain Vizina, oui. Je vise pas le gars, je vise le film. Des liens, là. Il y a Raymond Bouchard dans... Oui. Mais il y a Raymond Bouchard aussi dans Nitro. Voilà. Ah. C'est grâce à Raymond Bouchard. Mais... Et voilà, bon, mais vous avez une idée de la qualité du film Nitro. Ben là, Raymond Bouchard n'est pas un... Non, je parle pas. Non, c'est juste pour relier Scaphandrier et ouais, Nitro. C'est juste des classiques. Des classiques. Toi, Vicky, quelle soirée s'en vient à ton resto? J'ai fait Green Room cette semaine. Ça a vraiment gros pogné. Fait que ça se pourrait que je le reprogramme. Cool. Puis, si vous êtes dans le bout de Sherbrooke, là, allez voir sur lacapsule.ca. Il y a vraiment un film différent chaque soir. Fait que quelque chose qui vous intéresse, c'est certain. Puis ils ont tous des beaux posters. Ah, merci. Hein? T'as quoi? Elle s'est fait des beaux posters. Ah, je sais pas. J'ai pas vu. Ben, c'est vrai. OK. Puis, ben, est-ce qu'on a autre chose à se dire? Non, je vais plus vous parler, vous autres. Donc, avant de terminer, deux dernières petites choses. Premièrement, un gros salut à Tommy, notre Tommy boy. Boss. Hey, Tommy. Boss. Hein, Tommy! Tommy! Fist bump. Tommy. Vicky a disparu. Join us, Tommy! Non, à tout le monde, join Tommy, parce que c'est vraiment très cool d'être un de nos boss. Et aussi, pour le prochain épisode, on va ailleurs. On lâche notre fou, le sérieux. Je pense qu'il n'y aura pas de grande analyse ou quoi que ce soit. On se met en pyjama. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait, Jeff? On danse sur de la musique. On se cogne avec des oreillers. Ouais. Parce que c'est spécial. Il y a des plumes dedans. Oui, il faut qu'il y ait des plumes dedans. Là. Pas des pas de la mousse à mémoire. Là. Ça marche pas, c'est plate. Non, il faut qu'il y ait de la plume parce que c'est un Slumber Party Massacre spécial pour le 1 et le 2. Alors, puis ça s'adonne qu'en même temps, c'est des films réalisés par des femmes. Ouais. Ouais, fait que ce sera un semi-spécial réalisatrice féminine pour les films d'horreur. Mais je pense pas que ce soit des films très, très pro-féminines. Ouais. En tout cas, on verra, je sais pas. Est-ce que vous les avez déjà vus? Moi, j'ai jamais vu aucun des deux. Je suis vierge. Moi, j'ai vu les deux premiers à plusieurs reprises. Fait que je ne vends pas forcément mon avis, mais vous allez voir. À plusieurs reprises, mais ils détestent. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre. Ouais. Puis on n'est sûrement pas en train de voir un coffret en arrière ou un Blu-ray qui traîne. Oui, en triple. Sûrement. Alors, c'est maintenant le moment d'y aller avec nos suggestions de séries télé horrifiques. Alors, on va commencer par toi, Vicky! Yes! Ben moi, je suis une grande fan de séries télé. Je suis une grande fan de séries horrifiques. J'en ai essayé plusieurs dernièrement. D'ailleurs, s'il y en a qui ont vu Preacher... J'ai fait 3 épisodes, mais j'ai pas été capable de la continuer, j'ai pas aimé ça. Mais s'il y en a qui l'ont vu et qui me disent qu'il faut que tu entendes jusqu'à 5 épisodes pour que tu embarques, ou 6 ou 7, je suis prête à réembarquer, faites juste m'écrire, parce que moi, j'ai débarqué après 3. Mais si ça vaut la peine, je suis prête à continuer. Par contre, la série que je vous conseille, c'est la série Scream, qui en plus est disponible sur Netflix. Moi, je l'ai conseillée autour de moi à une jeune fille qui avait à peine 18 ans, même pas. Donc, elle n'est pas dans l'univers de Wes Craven, elle n'est pas dans l'univers des Scream, c'est pas une fan des frissons, elle les connaît comme des films, le film de ses parents, là, tu sais, c'est pas ses films à elle du tout, du tout. Puis, j'y ai fait découvrir la série et elle a adoré, elle l'a écouté en une semaine, fait que je pense que c'est assez universel, la série Scream sur Netflix. La deuxième saison doit être terminée, probablement sur Netflix, dans tous les épisodes diffusés. Fait que ça vaut vraiment la peine d'écouter, moi, c'est un binge-watch assuré. Good, Jeff. Moi, j'irais avec Penny Dreadful, qui est complètement différent de Ash vs. Evil Dead dans son ton. Un genre de League of Extraordinary Gentlemen avec plein de personnages connus comme Victor Frankenstein. Et, mais réussi. Ouais, j'imagine, j'ai pas vu. Dorian Gray, puis tu sais, toutes sortes de Jekyll and Hyde, puis toutes sortes de monde comme ça. Puis, ça vaut vraiment la peine. C'est 3 saisons, ça s'est terminé. Là, il n'y en aura pas d'autres. Fait que moi, en tout cas, c'est très, très, très recommandé. J'adore cette série-là. Cool. Et Steven? Moi, je vais avec un vieux classique parce que je considère que c'est pas démodable. C'est parmi les meilleurs, Tales from the Crypt, qui est évidemment très varié vu que c'est des anthologies, mais c'est tellement bon. Puis cette saison, vous avez du stock avec plein d'acteurs connus, des sujets différents, des réalisateurs bien connus aussi qui viennent participer. C'est vraiment une série inoubliable. Cool. Moi, je vais être le mouton noir parce que paraîtrait que mon choix, c'est de la merde. je vais y aller avec Fear Itself. Oh. Le simili reboot spin-off de la série Masters of Horror où ils ont décidé de faire la même chose. Moi, j'ai pas détesté, mais pas du tout. J'ai l'impression que le monde l'ont bâché rapidement. Peut-être que le ratio bon épisode versus mauvais est un petit peu moins haut, mais pour certains épisodes, je pense que c'est une série qui vaut la peine. Au pire, vous m'écrirez en privé, puis je vous dirai, écoute, lui, puis laisse faire le reste. Mais je pense que ça vaut la peine. Sinon, si on veut y aller vraiment d'une série, je vais dire Hannibal, parce que c'est bon, mais Fear Itself, parce que je voulais y aller avec quelque chose edgy. Hey, sur ce, gang, on va se laisser. Y en a-tu qui ont vu Bates Motel? Non, je ne l'ai pas vu. Du tout. Non. Mais oui, j'en ai entendu parler en bien. Mais moi, je l'ai écouté. Tu nous en as jasé une couple de fois. Oui, c'est ça. Je veux juste savoir si. On est à jour comme toi et moi, Seb, sur Walking Dead. Et là, je ne suis pas très à jour sur les séries télé. Hey, sur ça, les amis, je crois que c'est la fin. Alors, Steven, je te dirai au revoir. Groovy. Jeff, au revoir. Let's boogie. Vicky, bonne nuit. C'est pas original. J'ai pas de groovy ou let's boogie. Ah, j'allais faire un gag plate, alors je le ferai après vous avoir dit. Gardez soirée, gang. Bye bye. Bye bye. Bye.